À un certain moment, il faut que ça arrête, ça. Les individus sont autonomes, puis il faut qu'ils soient autonomes. Puis moi, je sais que j'ai le pouvoir vibratoire pour vous amener à ça. Je vais vous amener à ça. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, si je ne le fais pas sur le plan matériel, mais je fais ces autres plans, mais vous allez arriver à ça. Ça, ça fait partie de mes affaires à moi. Mais je ne peux pas vous demander de comprendre ce que je veux dire aujourd'hui tout de suite. Ça ne se comprend pas. Tout ça, c'est vibratoire. Je vous donne des chocs vibratoires par la parole, par la parole, par la parole, puis j'arrête pas. Vous en créez parce que vous pensez. Un jour, vous en créez le but. Tu vois que t'es pas grand-chose, là? Et aujourd'hui, je ne voyais pas. C'est vrai qu'on peut voir le poil. Quand vous allez être autonome, vous allez être bien. Quand t'es autonome, t'es libre des forces. Qui disait son petit gars, quand tu vas être vieux, tu vas comprendre, les petits gars, il y a dans mon tête vieux. Il faut qu'il passe par son expérience. Bon, au moins, l'avantage que vous avez sur le plan matériel, c'est de savoir que vous en allez quelque part. Je ne sais pas où, mais au moins, vous en allez quelque part. Ça clique avec votre intérieur quelque part dans votre machine. Parce que si ça ne clique pas, vous ne viendrez pas me voir. C'est normal, à moins d'être totalement cassé dans la tête. Fait que si ça clique quelque part, au moins, ça. Au moins, vous en allez quelque part. L'avantage que l'homme a aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement avoir des réponses à tout. C'est ça. Fait qu'on a un avantage, c'est qu'on a des réponses à tout. Du moment que ça ne crée pas d'effort. Tout ce qui concerne la colère, le phénomène de la colère. Dans la vie, on a facilement tous les jours des situations qui demandent qu'on devienne colérique. Tout le monde se fait prendre dans le jeu de la colère. Les gens se font prendre dans la forme émise par celui qui les incite à la colère. Les égaux qui sont incités à la colère vont augmenter l'énergie de cette forme-là, puis éventuellement, ça finit par une perte énorme d'énergie, souvent même par des combats physiques entre les gens. Il n'y a pas un homme qui incite à la colère qui ne peut pas être désincité à la colère. Souvent, une personne va être colérique parce qu'elle est abusée. Souvent parce que, avant qu'elle vous rencontre, il s'est produit une situation dans sa vie qui l'a enflammée. Puis vous, vous arrivez dans le tas. Puis elle est déjà prête, elle, cette personne-là, à vous sauter dessus. Puis l'ego qui est incité à la colère doit réaliser une chose dans l'instantané où il y a incitation à la colère, c'est de se mettre totalement au neutre. Autrement dit, ne pas penser ou ne pas s'imaginer que le type qui l'incite à la colère est vraiment en colère contre lui. Le type, il peut être en colère parce que ses énergies, ses vibrations ont été montées, troublées, mais il y a toujours une forme dont il se sert, lui, pour véhiculer cette énergie-là. Et si votre ego, à vous autres, se prend dans la forme, à ce moment-là, vous allez finir par des conflits qui deviennent souvent interminables. Puis votre capacité de changer l'esprit d'une autre personne, votre capacité de ne pas vous faire prendre dans le jeu de sa colère ou dans le jeu de la situation qui a créé sa colère est toujours à votre avantage. Parce que ça vous empêche d'abord de perdre de l'énergie, ou ensuite de vous faire d'avoir du mal matériel, ou en troisième lieu d'avoir du mal sur le plan de vos relations sociales. Il y a toujours moyen de moyenner avec une personne qui est en colère. Mais on ne peut pas moyenner si on ne comprend pas que dans l'instant même, on doit mettre notre ego de côté. C'est très difficile de mettre notre ego de côté. Notre ego, on le sent à cause de notre vibration émotionnelle. C'est ça qui donne à notre ego une certaine densité, qui crée une réflexion dans notre ego. Mais dès qu'on a compris le jeu de ça, et qu'on arrête, qu'on mentalise cette énergie-là, et qu'on parle à la personne qui incite ou qui nous incite à la colère, d'une façon totalement renversée, on s'aperçoit qu'on diminue automatiquement la colère de la personne et qu'on rétablit des liens avec cette personne-là. Un homme conscient ne devrait jamais se créer d'ennemis. Parce que se créer des ennemis, c'est de l'inconscient. Dans le rapport direct entre deux personnes. Un homme qui se crée des ennemis, il les crée parce qu'il y a en lui un niveau quelconque d'inconscience. S'il y a des gens qui ne l'aiment pas pour quelque raison que ce soit, ça c'est lié ça au fait que ces gens-là ne sont pas venus en contact avec lui. Mais un homme conscient avec lequel vous entrez en contact, ou avec lequel un ego entre en contact, peut toujours amener cette personne-là à établir avec lui des bonnes vibrations. Un esprit, ça change. Un ego, ça sera juste, ça se réajuste dans ses vibrations. Mais il faut que soi-même, au niveau de notre ego, on puisse neutraliser mentalement notre émotivité quand une situation est créée où on peut être facilement incité à la colère. L'ego est très orgueilleux de nature, bien plus que vous pouvez vous l'imaginer. Puis un homme ou une personne qui a moindrement de caractère, qui est moindrement forte de caractère, qui a moindrement moins de crainte qu'une autre personne, dans son tempérament, va facilement être incité à une colère, surtout si la personne elle est grande, si elle est forte. S'il y a des éléments, s'il y a des avantages à cette personne-là, qui puisse lui donner avantage au niveau de la colère sur l'autre personne. C'est une grande perte d'énergie. Puis il y aura toujours des cas dans la vie où vous serez obligé de vous mettre au neutre pour empêcher qu'un autre ego, qui peut être extrêmement émotionnel ou même débalancé émotionnellement, ne vous crée pas d'ennui pour rien. Mais même un ego qui est débalancé, très débalancé émotivement, peut être amené à une vibration si vous lui parlez d'une façon mentale. Autrement dit, si vous respectez totalement la qualité de son esprit. Puis dans le monde où on vit aujourd'hui, qui est un monde de violence, les gens ont en elle à comprendre que là où il y a violence, ça engendre de la violence. Si vous vous habituez à engendrer de la violence parce que vous n'êtes pas capable de mentaliser votre énergie, vous pouvez très bien être dans la vie, à un moment donné, quelque part dans la vie, vous trouver dans une situation où, à cause du manque d'équilibre entre votre ego et un autre ego, vous en subissiez les conséquences. Ce n'est pas seulement sur le plan de la conséquence que je parle, mais sur le plan de ne pas perdre d'énergie. Et ça demande énormément d'humilité intérieure pour pouvoir mentaliser l'énergie quand on sait qu'une personne n'a pas raison. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui agissent d'une certaine façon, non pas parce qu'ils veulent agir d'une certaine façon. Très rares sont les gens qui vivent constamment dans la colère. Très rares sont les gens qui veulent constamment tester un autre ego. Il y en a des gens comme ça. Il y en a des gens malades comme ça. Mais en général, dans la société, les gens sont colériques et ils incitent à la colère à cause de certaines situations qui deviennent les supports pour l'énergie et dont ils ne peuvent pas contrôler la situation parce qu'eux autres sont déjà pris dans la forme. Mais si vous n'êtes pas pris dans la forme de cette énergie-là, il vous est facile, éventuellement, de pouvoir contrôler cette énergie-là pour rebalancer la vibration entre vous et l'autre individu et ne pas être impliqué, autrement dit, influencé par son état d'esprit. Être influencé par l'état d'esprit d'une autre personne, c'est être influencé. Et c'est pas bon, parce que ça trouble votre état d'esprit, ça trouble votre calme, sans parler des conséquences que ça crée dans la société ou dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. J'ai une situation chez nous, j'ai fait venir une corde de bois, moi je paye toujours par chèque, j'ai jamais d'argent. Il a fallu j'attendre que de voir Gisèle pour qu'elle envoie le chèque. Finalement, le gars a appelé à la maison, la personne qui a répondu ne savait pas si j'avais envoyé le chèque. Là, le gars était prêt à arriver à la maison, puis il reprend toute sa corde de bois, il est en maudit. Même amener de ses chums. Fait que le lendemain, la personne a demandé de rappeler le lendemain, puis le lendemain, il a rappelé, puis j'ai parlé au type au téléphone. Puis là, il venait de recevoir son chèque. Là, il s'est excusé. Il dit, vous comprenez, il y a des gens qui prennent avantage de nous autres, puis éventuellement, on vient qu'on se rebelle. Je disais, j'ai entièrement raison, mon frère. J'ai dit, apparemment, vous travaillez dans une carrière? Il dit, oui. J'ai dit, j'ai besoin du marbre noir pour mon foyer. J'ai dit, vous ne pourrez pas me trouver ça. Il dit, oui, oui, oui. T'es content? Ah, c'est des gens, les gens dans la vie sont pognés. Puis plus ça va, plus les gens sont pognés, plus les gens deviennent violents, plus les gens vivent de violence. Puis à un certain moment, il y aura des situations où vous serez obligé de contrôler cette violence-là. Surtout avec l'état d'esprit que vous allez avoir dans quelques années. Parce qu'avec votre sensibilité, qui va se développer constamment, il va venir un point où vous allez marcher sur les œufs. Et à un certain moment, vous allez rencontrer des gens qui sont réellement difficiles, puis leurs vibrations vont être tellement, vous allez sentir tellement leurs vibrations qu'aujourd'hui, ça ne vous fera rien. Mais dans ce temps-là, ça va vous faire quelque chose. C'est ça que je vous parle pour demain. Vous ne pouvez pas toujours résoudre les problèmes par la colère. Vous ne pouvez pas toujours vous fâcher. Puis à part ça, une personne ne devrait jamais se fâcher. On a deux choix. Soit de mentaliser l'énergie ou de créer des chocs. Quand tu crées un choc, ça part du mental, puis ça fait son travail. Ça fait ce que ça l'a fait. Ça change les vibrations d'une personne. Quand tu es conscient, tu peux créer un choc. Tu sais quand ça passe les vibrations, tu laisses passer. Mais quand tu n'as pas la vibration, tu te choques, tu te forges. Les gens sont pas capables de créer de choc. Les gens se forgent. Puis en se fâchant, souvent, ils subissent l'influence d'une situation extérieure puis ils perdent de l'énergie. Fait que soit que tu te fâches pas pantoute ou que tu crées des chocs. Mais vous pouvez pas créer de choc tant que vous avez pas la vibration assez forte dans le mental pour la sentir quand elle passe puis être assez libre émotivement pour la laisser passer cette énergie-là. Puis ensuite, rendu à ce stage-là, c'est simplement l'énergie qui fonctionne. C'est plus votre ego qui est impliqué là-dedans. L'énergie, elle fait ce qu'elle a à faire, elle vous charrie. Puis ça crée ce que ça a créé, puis ça sert à créer un changement vibratoire dans les gens autour de vous pour rétablir une situation qui n'est pas rétablissable. Les hommes ne peuvent pas changer sans choc vibratoire. Vous en aurez des chocs vibratoires. Vous allez les vivre, des chocs vibratoires. Parce que la pénétration de la conscience supramentale dans l'homme se fait par accumulation d'énergie, et quand l'énergie passe, elle crée un choc vibratoire. Puis plus vous êtes sensible, plus vous les sentez, ces chocs vibratoires-là. Puis il viendra un jour où vous les sentirez, ces chocs vibratoires-là. Ah, qu'un échec soit établi entre vous et les forces qui pénètrent en vous, c'est une chose. Mais il y aura aussi des moments où les forces pénétreront en vous dans l'instantané où vous vous mettez en relation vibratoire avec un autre ego qui est inconscient et qui nécessite un choc pour une raison quelconque que vous saurez à ce moment-là. Mais d'ici à ce temps-là, pour ceux qui n'en ont pas fait d'expérience, ce que vous connaissez, c'est être fâché. Puis être fâché, c'est une perte d'énergie. Être fâché, c'est un état totalement subjectif, totalement émotionnel. Ça donne rien, ça ne crée rien, ça bouleverse. Et ça maintient constamment dans l'éther une vibration qui vous nourrit, vous, et qui nourrit la personne avec laquelle vous avez eu l'expérience de mauvaise entente. Les cellules du cerveau, cassez-vous pas la tête avec ça. Laissez faire le côté physique de ça. Si vous prenez et vous comprenez le côté psychique, le côté vibratoire, le côté réel, c'est évident que ça fait bien des choses. Mais on ne peut pas regarder ce qu'on fait dans la vie du point de vue que ça, de ce que ça fait sur le côté matériel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sur le côté, qui influent sur le côté matériel. Puis ça n'empêche rien parce qu'on continue pareil, puis ça continue à influer sur le côté matériel. Mais dès qu'on comprend le côté interne, le côté psychique, le côté supramental d'une situation, à ce moment-là, là, il commence à y avoir des changements. Alors, vous avez raison, ça affecte les cellules. Mais, il dit qu'il faut voir les choses de haut. Il faut les voir les choses du point de vue de la conscience intelligente en nous qui nous explique comment fonctionne l'homme, comment fonctionnent les vibrations dans l'homme et comment les vibrations déterminent le comportement de l'homme. Puis avec les années, plus on devient sensible, plus on les sent les vibrations. C'est lorsqu'on les sent les vibrations qu'il faut savoir comment travailler avec elles. C'est pour ça que cette instruction-là nous est donnée aujourd'hui pour que quand ça vient ça, on puisse identifier le phénomène. Ah. On peut donner raison et on peut s'entendre sur un nombre énorme de points. Ça, c'en est un, par exemple. Qu'on peut s'entendre. Sur lequel on peut s'entendre. En étant positif. Mais ça change absolument rien. Parce que pour comprendre la relation qu'il existe en nous, entre la conscience et le corps matériel, il faut être dans la conscience. Si on n'est pas dans la conscience, on peut théoriser, on peut établir des hypothèses, on peut construire des hypothèses qui sont valides, qui sont représentables scientifiquement, mais ça ne change pas notre état de conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'idées valides concernant la vie, concernant le comportement humain, concernant les émotions, concernant la sexualité, concernant ci, concernant ça, mais ils sont toujours inconscients parce qu'ils ne sont pas dans la vibration du supramental. Alors, la vibration du supramental, c'est une vibration qui est déterminée par un niveau d'intelligence qui est supérieur au nôtre, mais qui fait partie du nôtre, et qui devient éventuellement intégré au nôtre, de sorte que notre mental inférieur et le mental supérieur deviennent un, et prend la main dans toute l'activité de l'homme, soit sur le plan matériel ou sur le plan émotif, ou sur le plan vital. Alors, les énergies s'occupent du plan vital, comme elles s'occupent du plan émotionnel, comme elles s'occupent du plan mental ou du plan physique. Mais il faut qu'on les reconnaisse, ces énergies-là. Et on ne peut pas les reconnaître, ces énergies-là, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau de syntonisation avec ces énergies-là. Puis la syntonisation vient au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on apprend à comprendre les nuances de l'universel dans l'homme. Puis les nuances de l'universel dans l'homme sont des nuances qui sont totalement objectives à l'homme. On ne peut pas déterminer, nous autres, ces nuances-là. Ces nuances-là nous sont imposées parce qu'elles font partie de la conscience universelle, elles font partie de l'intelligence universelle, puis c'est à nous autres de les comprendre, ces nuances-là, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se syntonise aux vibrations. Puis ben, après ça, ben, ça, les choses prennent leur cours suivant la vibration en soi, d'une façon automatique. Fait que le corps prend soin de son corps, du corps, puis l'émotion prend soin de l'émotion, puis le mental prend soin de l'émotion. Fait qu'on est toujours en santé. Tu peux pas être pas en santé, c'est impossible. Fait qu'il faut voir les choses d'en haut. On ne peut plus voir les choses d'en bas parce que voir les choses d'en bas implique des voir avec notre esprit puis notre raison. Puis notre esprit puis notre raison est arrivé à un cycle dans l'évolution de l'homme où il va sauter. où notre esprit va être lié à un plus grand esprit pour qu'on comprenne instantanément puis d'une façon globale ce qui se passe dans la vie puis toute la multidimensionnalité de notre expérience. Sans ça, on ne finira pas. On passera notre temps à nous chercher pendant des années de temps. Il faut qu'on arrive à un point dans la vie où on arrête de se chercher parce qu'on s'est trouvé. Comprenez ce que je dis? Bon, alors vous avez raison, mais votre raison est toujours sous-tendue par l'intellect. Il faut en arriver à ne plus avoir raison, mais savoir. Puis on sait par vibration, c'est vibratoire, le savoir. Fait qu'en attendant que vos corps soient assez sensibilisés à cette énergie-là, en attendant que votre mental soit assez sensibilisé à cette énergie-là, votre émotionnel, votre physique, votre éthérique, il y a des choses que je vous explique qui, dans tant de temps, dans tant de temps, dans tant de temps, deviendront pour vous autres claires, évidentes, normales, parce que ça fera partie de votre savoir. Alors, j'emploie certaines situations de vie, comme le phénomène de la colère. Pour vous, si je vous l'explique, le phénomène de la colère, ça reste au niveau psychologique, au niveau d'une sorte de philosophie de vie. Mais il va venir un moment où vous allez comprendre dans l'instantané, ce que je veux dire au niveau de la colère. C'est jamais tout de suite que vous pouvez comprendre le supramental. C'est quand il y a une situation où vous agissez au niveau supramental que vous le saisissez. Puis après ça, ça devient évident. Puis après ça, une fois que c'est devenu évident, là, vous fonctionnez sur cette base-là. On a énormément de choses à apprendre, pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais parce qu'on doit les voir d'un autre point de vue. Pour pouvoir ne plus être influencé par ces choses-là. Il faut en arriver à ne plus être influencé par rien. C'est pas facile. Pourtant, c'est facile. Mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses. C'est facile parce que tout ce qui se passe supramentalement, c'est synthétique. On prend le dentiste. C'est un gars qui a bon caractère. Il a de l'humour. Mais il y a un caractère fort, puis il y a un caractère qui, dans certaines situations, peut être raide. Fait que ça, c'est lui, ça. Ça, c'est sa patente à lui. Mais si une personne est en contact avec lui, la personne doit fonctionner vibratoirement avec lui pour pouvoir s'ajuster à lui. Si la personne fonctionne émotivement avec lui, automatiquement, il va avoir des croches. Parce que lui, son énergie émotionnelle, il n'en souffre pas. Il fonctionne d'une façon plutôt mentale qu'émotive. Mais il se sert de son énergie émotionnelle pour renforcer son mental. Il y en a bien du monde de même. Mais il y a bien des gens qui souffrent du monde comme lui. Ça, c'est leur problème, c'est pas son problème à lui. Fait que nous autres, faut qu'on en arrive à pouvoir le prendre, lui, comme il est, puis nous autres, nous ajuster à lui pour pas souffrir de lui. Je prends lui comme exemple, là, parce qu'il est là. Je pourrais en prendre un autre. Mais c'est le meilleur cas ici. Toujours se fait meilleur dans quelque chose. C'est avec des gens comme lui, lui je le prends d'une façon générique, là. C'est avec des gens comme lui dans la société qu'une personne grandit en conscience, pas avec des gens comme lui, il est fin, il est ci, il est ça, il ne crée pas de tension. Lui, il peut te créer des tensions. Dans la ville, dans la société, dans le gouvernement, dans le travail. Les gars, c'est pas tous des cadeaux. C'est avec ces gens-là qu'on grandit. C'est là qu'il faut comprendre le mécanisme que quand tu rencontres un ego qui est moindrement fort, qui moindrement pulse, que toi, tu puisses te mettre au neutre, puis amener au mental, puis établir toujours des liaisons avec l'autre ego, partie du mental, jamais du plan émotionnel. Les hommes ont l'expérience de ça plus que les femmes, parce que les hommes surtout après s'engueuler. Plus que les femmes. Les femmes s'engueulent d'une autre façon. C'est un exemple, ça, sur le type de femme. C'est une mal engueulée. Oui, Mais c'est le problème des gens qu'elle rencontre. C'est pas son problème à elle. Elle est assez centrique pour être de même, puis elle est bien de même. Puis elle va pas changer. C'est sa vibration. Elle s'ajuste sa vibration. Mais elle est de même. Fait que la femme qu'elle rencontre, elle tombe d'un pas, jusqu'à temps qu'elle tombe plus d'un pas. C'est vrai, mais si vraiment que le monde devienne... voilà, moi, mon monde, c'est pire aujourd'hui. Faut pas très barrer plus avec la vue. Donc, on va le feu par le feu? Oui, mais il y a une situation, c'est ça, c'est bon, je suis content que tu aies dit ça. Le point, ça, t'as raison. Puis c'est, d'ailleurs, c'est la philosophie des gens. À New York, c'est rendu même. Les gens se prennent avec des guns dans les chars, puis, tu sais, toujours contrebalancés. Mais ça mène éventuellement à la violence. Ben oui. Ce qui arrive, c'est que quand plus tu deviens sensible intérieurement, il vient un point, tu veux la paix. Tu veux la paix. T'es pas, penses-tu qu'il est intéressé à baver? Il est pas intéressé. Il est obligé de baver. Tu veux la paix. Fait que, moi, je vous dis, soit que vous bavez. Si vous bavez, vous allez engendrer la violence. Fait que si tu tombes assez un gars qui est aussi violent que toi, mais ça va péter. Le principe que j'explique, c'est que n'importe quel homme, son esprit peut changer. Moi, j'ai rencontré des tueurs dans mon travail, des tueurs à Chicago. Puis avec moi, on a une relation de même. Ces gars-là, ils m'aideraient à n'importe quel, à n'importe quelle situation, parce que j'ai changé leur vibration, je suis leur cœur. J'ai passé des tests avec ces gars-là. D'ailleurs, mes tests d'initiation, je les ai passés avec ces gars-là. Ah, je suis pas beau. Des tueurs. Mais ça m'a servi. Puis je mentalisais tout le temps l'énergie. Puis éventuellement, ces gars-là, je suis devenu pour eux autres. Moi, je suis pour ça. Fait que je suis devenu leur petit frère. Quoi? Hey, Bernie! Hey, les gars de 6 pieds, hey, Bernie! Même! Il faut savoir changer la vibration dans le mental et dans l'émotionnel d'une personne. Ça, c'est une... Au bon moment. Au bon moment. Il ne s'agit pas de se faire marcher dessus. Là, c'est de ça que ça retombe, parce que je veux donner les deux points de vue. Pas que les gens pensent que je parle. Il y a un point de vue, le point de vue choc. Il y a un point de vue choc. Que même si t'es petit, quand ça passe de vibration, là, tu peux en déplacer des. Tu peux en déplacer des murs. Ça, c'est la vibration. Peux-tu m'expliquer mieux cet état de choc-là? Pour vous l'expliquer, il faut que je la manifeste. Je ne suis pas manifesté. C'est vibratoire. Rien qu'un mot, des fois, tu fais le choc. Tout le choc. C'est une vibration qui passe dans tes corps, ça passe dans le mental, ça descend dans l'émotionnel, ça descend jusqu'au plan physique. C'est une vibration. Ça charrie ton ego. Puis quand elle passe cette vibration-là, tu ne peux pas avoir peur. Fait que qu'est-ce qui arrive à un être humain quand il n'a pas peur? Il peut détruire n'importe quoi. Que le gars soit gros, mais il n'y a rien, il n'y a plus peur. Le physique, tous les autres le sentent, ça. Ça se sent. Là, il recule. C'est ça, c'est vibratoire. Les gens en font l'expérience dans la vie. Involontairement. La seule différence, c'est que ça, cette vibration-là, quand ça passe, c'est eux autres qui la font passer pour créer un choc, pour neutraliser une situation. Mais tu ne peux pas vivre dans cette énergie-là tout le temps. Il y a des moments dans la vie où elle passe. Mais c'est pas toi qui contrôle. Non, c'est pas toi. Et des fois, ils vont t'affaire à l'étel à la croix. Tu as une croix ici, là, j'appelle ça la croix, là, juste en haut du coccyx, là. Ici, là, il y a une croix. Alors, eux autres, ils la contrôlent, cette énergie-là. Puis, s'ils l'arrêtent à la croix, puis rendu à ce point-là, tu es assez sensible. Fait, quand ils l'arrêtent à la croix, elle descend pas en bas, là, ça te fait bien, bien mal. C'est comme si quelqu'un te rentrait un couteau ici, là. Là, ça veut dire, là, il te barre. C'est comme ça qu'il te barre. Parce que tu deviens tellement mauvais, parce que tu n'as pas peur, que là, s'ils veulent pas que tu crées un choc, là, ils vont te couper la vibration, là, puis là, tu souffles. Tu souffles la vibration. Puis ça fait mal comme si tu rentrais un couteau ici. Dans le croix. Vous allez savoir ça, parce que c'est des principes universels. Ça. Un jour, vous allez l'avoir, cette vibration-là. Mais quand ils font passer la vibration, quand elle descend jusqu'en bas, à ce moment-là, il n'y a plus rien pour t'aider. C'est là que tu crées des chocs. Mais c'est pas toi qui crée le choc. Tu es simplement le canal pour le choc. Fait que ça, c'est des situations pour changer la vibration d'une situation, arrêter une situation, transformer une situation de A à Z. C'est eux autres qui... C'est ça, le don, moi, je le vis pas. Pardon? Je le vis pas. Vous comprenez, ça, ce que je veux dire? Je vis ça, moi, souvent. Bon, c'est ça. Parce que dans des situations que... Dans le temps, hier, j'ai eu une réunion, on a eu du conseil, puis c'est arrivé bien, avec un gars de vidéo. L'occasion était trop belle. Ah, ça passe l'énergie, paf. Puis tu peux rien, puis c'est pas toi qui a fait passer. À part. Toi, t'as canalisé. Même tu. Comment je pourrais dire? Quand ça arrive, tu ne sens même pas que ça arrive. Ouais, tu ne sais pas. Mais ça arrive assez vite que tu le réalises seulement qu'après que c'est. C'est ça. C'est un instantané. Comment, ce qui est manière, tu sais. Oui, c'est tu comprends, tu dois comprendre. Tu sais, dans la police, tu Oui, j'ai justement les athées, là. C'est ça qui mérite. Mais tu comprends ça, Richard, ce que je veux dire, toi? Alors, plus que t'es dans un milieu de violence. Oui, est-ce que tu comprends pas? C'est vrai que c'est ceux qui prennent le désir d'avoir les autres en colère, ou les parents en colère, c'est des sadiques. Non. T'as pas dit ça? Non. Je pense que c'est des sadiques. Mais toi, par exemple, toi, tu ris. Tu désarmes, ton rire désarme. Si tu rencontrais un gars violent dans ton métier, tu pourrais être désarmé par ton rire. C'est ça que je veux dire. Bon, OK. Ça, c'est au niveau de ton rire. Ça fait partie de ton tempérament. Il y a un autre niveau où tu ne pourras pas le désarmer, le gars, avec ton rire. Là, tu feras l'opposé. Tu l'insulteras. Tu vas dire, ton rire, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux arriver avec un bandit sur la rue. Il y en a des gars qui sont tough. Tu vas rire, puis ils ne prendront pas le rire. Comment tu veux dire? Bon. Donc, à ce moment-là, tu es obligé d'aller au mental, puis te servir de ton mental pour changer sa vibration. Là, tu peux changer sa vibration. Ça, c'est le cas que j'expliquais tout à l'heure. Il y a l'autre cas où, quand l'énergie passe, comme toi, si t'étais attaqué par un bandit, là, si t'étais sensible à la vibration en descendrait, là, tu peux pas avoir peur dans ce temps-là. Il n'y a pas de considération psychologique pour ton aide. Si tu n'as pas d'affaire au moment, tu peux avoir un changement de vibrations qui vont faire que les mieux précédents, tu n'auras pas de même sommeil. Au moment, Ils peuvent te préparer. Mais dans le moment là, du danger, là, ça te passe. Mais il dit que c'est plus difficile à réaliser dans un cas comme le tien, comme dans un cas comme le mien, parce que moi, j'étais un petit homme. Tandis que toi, t'es un gros homme. Fait que les situations où tu pourras avoir peur, toi, sont beaucoup plus rares que dans mon cas. Moi, comprends-tu ce que je veux dire? Le fait que déjà que t'es déjà sur le plan physique, sur le plan psychologique, t'es renforcé dans ta qualité de force. Mais supposons que tu rencontres un gars, parce qu'il y en a des gars qui sont gros, qui sont encore plus gros que toi. À ce moment-là, il pourrait avoir le phénomène de la crainte. Alors, eux autres, pour te couper de la crainte, il faudrait qu'ils te fassent passer cette vibration-là. Et ce gars-là, à ce moment-là, tu pourrais le déplacer. Mais c'est dans la vibration du supramental qui descend. Puis ça descend dans l'instantané, tu sais jamais comment ça part. Puis à ce moment-là, c'est un choc que tu crées. C'est un choc. Tu comprends ça, tout ce que je veux dire? Ouais, toi, tu comprends ça. Moi, j'ai vécu les deux situations. Ouais. Avant d'entrer en tribunal, c'était excessivement agressif. Oui. Dans mon agressivité, quand je me fâchais, la crainte n'existait plus parce que j'étais tellement enragé que l'autre, je ne le voyais pas. Ouais. Enragé, le mot enragé, t'es plus fâché quand t'es enragé. Quand t'es enragé, t'es sous d'autres vibrations. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, peut-être que je ne le fais pas par exprès. S'il se produit une situation, on dirait que je tombe au nez. Ouais. Alors, je m'en fous de ouais. Si tu fais ce que je m'en occupe pas. Ouais. J'ai pas plus peur, mais j'ai pas moins peur. Ouais. C'est ça. Avant, la crainte, ouais. Ma rage éliminait la crainte que ouais. Je pouvais avoir. Ouais. C'est juste. Quand tu disais tomber dans les bleus, alors... C'est ça. Les gens qui tombent dans les bleus, c'est les gens qui reçoivent la vibration, mais ils tombent dans les bleus parce qu'ils ont beaucoup d'émotions. Fait que la vibration, elle passe toute croche. Si elle passe toute croche, mais elle passe. Fait qu'ils tombent dans les bleus, ça débalance tous les corps, puis le gars, il... Il faut le garder. Hein? Il faut le garder. Tu t'en rappelles plus. Tu sais, ça passe, là, puis... Dans certaines situations, que je vomissais après, quand je pouvais pas... C'est la réaction de la vibration. C'est ça. Quelque chose, oui. Je voulais vomir. Oui. Ça, c'est pas le gars qui est là. C'est un petit homme comme moi. Ce gars-là, dans le temps, il faisait Montréal-Saint-Adèle. Puis c'était un type qui était assez envoyé. Super orgueilleux, fier, tout ça. Mais c'est un type qui tombe dans les bleus. Lui, si le moindrement, tu le devais à sa route, Il pourrait quand même garder un Cadillac de l'année. Il te rentrait dans les fossés. Il a déjà accroché un gars, là, puis là, il a mis à la tête, il a mis à la tête sa... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des plaques de chemin de fer, puis il l'a attaché. Il l'a attaché. Juste avant que le train arrive, il l'a enlevé. T'sais, il tombait là-dedans, là, ce gars-là, là. Un petit bonhomme de 5 pieds 6. Un bon gars. Un bon gars. Ce que je veux expliquer, c'est la vibration. Aujourd'hui, il y a une crise cardiaque, tout, tu sais. Mais la vibration en passant, toutes les émotions, tout le set, là. Le mental. C'est quoi, demain? Pardon? La Sainte-Colère, la Sainte-Colère, c'est ça. La Sainte-Colère, là, c'est... Dans un cas comme le type que tu racontes, avec la tête sur l'arrêt du chemin de fer, là, c'est eux autres toujours qui contrôlent cette énergie-là, mais ils sont conscients des conséquences que ça peut avoir. Ça fait partie de l'expérience émotive de l'individu, ça fait partie de l'expérience. Eux autres en haut, là, moi, vous explique une chose. Le quotidien, c'est pas... Moi, je vous l'expliquer une fois pour toutes. Vous autres, là, vous pensez qu'eux autres en haut sont intéressés à ce qui se passe. Ils sont pas intéressés à ce qui se passe. Ils sont dans d'autres plans, eux autres. Eux autres, ils travaillent rien qu'avec l'énergie, puis nous autres, on se démerde avec. Eux autres, ils n'ont pas de forme. Les valeurs qu'on a sur notre planète, eux autres, ça fait pas partie de leur monde. On pense, nous autres, on les mystifie, eux autres. D'ailleurs, on les a mystifiés depuis des siècles et des siècles et des siècles. Parce qu'on nous a dit ça. Parce qu'on nous a dit ça. Mais c'est ça, je dis, on les a mystifiés. Moi, je suis le premier homme qui démystifie eux autres. J'ai démystifié au bout. Plus je parle, plus je démystifie. Ils travaillent rien qu'avec l'énergie. Nous autres, on travaille, on prend cette énergie-là et on la transforme à un niveau quelconque, suivant notre évolution. Ça fait partie de notre expérience. Moi, je me rappelle au début, quand ils me parlaient, je suis sacré après eux autres parce que je souffrais, puis eux autres, ils me riaient d'en faire. Puis ça me créait une tension quand je suis sacré. Parce que je disais, maudit, tu parles à des êtres qu'on appelle, en parenthèse, spirituels. Puis c'est pas des êtres spirituels. Ils sont en dehors, ils sont encore plus haut que ça. Nous autres, le mot spirituel, c'est un mot encore qui a tendance à mystifier l'invisible. Parce qu'on n'a jamais vu dans l'invisible. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que c'est dans l'invisible. C'est des vieux clichés. Fait que l'invisible, pour nous autres, on le perçoit seulement au niveau de la symbologie qui nous passe sur l'écran mental. Et quand vous verrez dans l'invisible, vous allez voir qu'il n'y a rien là, au niveau de notre mystification, de notre spiritualité. Mais il faut qu'on soit préparé, parce que si on n'était pas préparé, on capoterait. Parce qu'on est obligé, nous autres, pour comprendre ce qui se passe dans l'univers, on est obligé de filtrer tout ce qui se passe par notre émotion et notre mental inférieur. On est obligé de filtrer tout par les images simples qu'on a. On a des images dans notre tête. Puis on file tout par ça, puis on file, puis on file, puis on file, puis on file. Puis à un certain moment, quand quelqu'un arrive, là, puis il commence à péter le fil, comme je fais, là, les gens commencent à paniquer au début, puis après ça, ils se tassent, puis après ça, ils se tassent, puis éventuellement, il n'y a plus rien, là. Rendu à ce point-là, c'est parce que tu travailles avec l'énergie. Quand tu travailles avec l'énergie, là, tu deviens un agent libre, tu deviens totalement autonome, t'es pogné dans toutes sortes de patentes. Fait qu'eux autres, ils travaillent, c'est de l'énergie. Ils travaillent à l'intérieur d'un principe d'intelligence, puis ce qu'on vit, nous autres, sur le plan matériel, c'est l'énergie, mais l'énergie est toujours filtrée, est toujours colorée par nos personnalités, par notre éducation, par nos sentiments, par notre amour propre, par toutes sortes de patentes qui font de nous des êtres humains inconscients. C'est pour ça que quand on est arrivé à fonctionner vibratoirement d'une façon assez mentale, pour que notre émotionnel ne nous empêche pas de percevoir la vibration d'une façon parfaite, on n'est pas capable de l'avoir parfaitement. Fait qu'on ne vit jamais des vies parfaites. On vit toujours des vies ça s'ajuste. Puis on passe par toutes sortes d'expériences qui nous amènent, une fois qu'on a compris les principes de l'informe, les principes de l'énergie, de fonctionner d'une façon autonome. Puis dans ce processus-là, on détruit automatiquement les forces. Tu ne peux pas avancer dans la conscience cosmique sans détruire les forces. C'est impossible d'en rentrer dans la conscience cosmique sans passer à la conscience pure. Dans la conscience pure, il n'y a pas de forme, c'est de l'énergie. Nous autres, on les approche, eux autres, du point de vue de la philosophie, du point de vue de la cosmologie, du point de vue de toutes sortes de mots. Ils sont toujours là, totalement d'ordre. Il faut les voir dans l'invisible pour réaliser qu'est-ce qu'ils sont, eux autres. Mais ils sont obligés de nous préparer, sans ça, on ne pourra pas vivre. Ah! Pour nous permettre d'en arriver à comprendre la relation qu'on a avec eux autres, sur le plan humain comme sur le plan transhumain, on est obligé de comprendre les lois des formes. Fait que moi, quand je vous explique des lois de certaines formes, je vous explique l'affaire de la colère, par exemple. Il nous explique qu'on ne devra pas se fâcher, qu'on devra s'habituer à, quand on rencontre quelqu'un, à mentaliser l'énergie, changer la vibration de l'esprit du gars, puis toujours maintenir des relations harmonieuses entre nous autres et ce gars-là. Parce qu'il n'y a pas un homme, à moins qu'il soit réellement fou à craquer, puis encore au bout, il sera capable de changer, que tu ne peux pas amener à avoir un équilibre vibratoire avec. Quand tu dis mentaliser l'énergie... Mentaliser l'énergie, c'est pas se prendre au sérieux dans une situation. Fait automatiquement, tu mentalises l'énergie. La regarder de haut. Tu regardes objectivement de haut. Ne jamais être impliqué dedans émotivement. Ils disent n'importe quoi, ça coule comme de l'eau. Ça n'a pas d'importance. Comment je te traiterais de chien, toi? Si tu vibres en dedans, t'es pogné dans fort. Comprends-tu ce que je veux dire? Bon. Les effets physiques, disons qu'une personne ferme le poing, ça lui donne beaucoup d'énergie à la personne. Physiquement, ce qui se produit, ou tu prends un enfant qui ferme le poing, ça donne 2, 3, 4, 10 fois d'énergie. Qu'est-ce qui se produit au point de vue mental, la relation avec le poing qui se ferme? Quand tu fermes les poings, tu concentres l'énergie dans le mental. Tu montes l'énergie dans le mental. T'active l'énergie émotionnelle. Ça active tous les organes physiques. Ouais, ça fait passer tout de bas en haut. C'est comme, quand tu fais ça, là, y en a-tu qui le voient dans le traitement? Comment tu vois? Ouais. Qui voient dans le écran mental. Tu vois tout l'écran. Et tu capable de voir quand je fais ça que l'énergie monte par en haut? Oui. Tu capable? Ça monte. Automatiquement, ça monte par en haut. Quand tu fais ça, ça monte par en haut. C'est comme si tu écrasais un citron. Ça sort. Ça monte par en haut. Ça va, ça va le dire de vrai. Ouais, ça part d'en bas, ça va. Moi, j'ai appris d'une autre manière que c'était de vrai. Qui m'a appelé à ça? Une greffe. C'est que quand ça montait jusqu'avant que tu sois capable de t'obtenir, que tu sois obligé de sauter sur le gars ou de frapper, tu dis dans ton mental, je t'aime, puis tu te restes une pensée d'amour. Puis lui, il casse la gueule d'oreille. Hein? Ah, non. Le gars, mon Dieu, il m'a quasiment venu avant de partir, puis je m'excuse, puis tu sais que c'est lui qui a raison, puis c'est lui qui s'excuse avant de partir. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de coupe, eux autres, puis tu peux pas dire je t'aime. Tu vas être bien pris. Tu es obligé de travailler avec l'énergie à ce moment-là. Parce que c'est ça la première étape. Tant que vous êtes sur le plan, tant que vous pouvez vous servir de votre mental, puis penser je t'aime. Autrement dit, faire un acte de spiritualité. C'est ça, faire un acte de spiritualité, ça marche. Mais quand tu es fusionné avec les autres, tu peux plus faire d'acte de spiritualité. Ah, mais ouais, tu n'as plus besoin non plus. Parce que tu n'as plus besoin. Fait qu'à ce moment-là, tu travailles avec l'énergie. Oui, mais en réalité, ce qui monte là, dans les autres, là, c'est l'énergie diluée qu'on rappellerait. Ce qui monte dans vos autres? Oui. C'est un genre d'émotion qui monte. Alors, c'est de l'énergie, mais. Parce que ça monte, ça descend pas. Toi, des vibrations qui parlent supramental, ils descendent. Ouais. Mais moi, ce que je sens quand ça fait ça, ça monte, je suis rendu ici, là. Faut que je dise ta merde, maintenant, faut que je transforme mes pensées. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que tu travailles. C'est un genre de petit chat. Ouais. Mais tu travailles toujours avec ton énergie. Ce qui arrive, c'est qu'eux autres. T'es toujours dans un état d'énergie. Comme là, tu es dans un état d'énergie. Cet état d'énergie-là, elle peut être activée par eux autres. Parce que quand on parle de monter puis de descendre, là, on tombe dans une sorte de dualité pour exprimer ce qui se passe. Mais ça marche pas de même. L'énergie, ton énergie est toujours sujette à être manipulée électriquement ou chimiquement par eux autres. Parce qu'ils font partie de toi. Fait qu'à ce moment-là, cette énergie-là, elle se situe pour toi dans ton mental ou elle se situe dans ton corps émotionnel. Autrement dit, c'est là qu'elle vibre le plus. C'est ça qui est le problème. Elle ne peut plus la faire monter. Ouais. Tandis que quand tu m'envoies une vibration, elle pénètre. Elle se situe. C'est ça. Et ensuite, elle active. Si le gars affecte mon émotion, elle va partir de là, puis elle va monter. Si elle affecte plus bas, elle va partir plus bas, elle va monter. C'est ça. Moi, j'ai rien qu'à contrôler. Puis après, c'est à toi, c'est ça. C'est à toi à contrôler, à mentaliser l'énergie, autrement dit, c'est émotif. Puis là, t'as. Mais quand l'amour demain, c'est maudit que des coyotes aux zéro. Mais j'ai peut-être sauvé des cartes d'ailleurs. Non, mais c'est parce qu'il expliquait le mécanisme de ça, que c'est qui se passe. L'énergie mondomandale, de toute façon. Parce que, regarde, moi, je suis fusionné, fait que je peux pas agir comme je veux, OK? Là, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de fermer mon poing. Là, je suis capable. Il se ferme tout seul. l'œil sur l'autre. Mais vous autres, vous ne réalisez pas. Enfin, vous autres, vous pensez que ça marche même, ça marche de même. Mais si vous étiez plus tourné à eux autres, vous verriez que c'est eux autres qui ferment votre point. C'est toujours eux autres. On ne réalise pas jusqu'à quel point ils sont en nous autres. Parce qu'on a un libre arbitre. On a comme un screen qui fait que on ferme notre point comme on veut. Mais comme on le ferme vite, on pense que c'est nous autres qui le ferment vite. Mais eux autres sont capables de couper, de le fermer ton point. À ce moment-là, plus tu es sous la vibration, mais plus l'énergie est forte. Quand vous dites, je vous assure, quand vous dites, il ne faut plus que je fasse ça, je vous assure de le faire. Quand vous dites, je ne vais plus faire ça, là, vous allez le faire encore. C'est quand vous ne pourrez plus dire ça, je ne ferai plus ça, que vous ne ferez plus. Checkez bien ça, cette affaire. La preuve, c'est que les gens vont dire, ils vont dire quelque chose, puis ils vont dire, knock on wood. Oui. Touche au bois. C'est des superstitions, ça, mais qui s'expliquent. C'est eux autres qui conduisent complètement, ça expliquerait les déséquilibres que les gens peuvent avoir. Souvent, dans une bagarre, moi j'ai remarqué, en tout cas, les gars, j'ai tapé tout ça hier, c'était mes meilleurs jobs. C'est vrai qu'au baseball, j'ai vu des bonhommes se battre avec d'autres, puis c'est parce qu'ils aiment, c'est parce qu'il n'y a pas de façon de s'exprimer. C'est pas dans des quartiers défavorisés, puis justement, à cause de ça, ils se battent parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de s'exprimer. Tu vas pas retrouver ça fréquemment. Fait qu'en réalité, c'est pas eux autres qui sont déséquilibrés, ou c'est les gens à partir de l'énergie basse qui sont déséquilibrés. L'énergie, c'est une substance universelle. Moi, je suis obligé de vous parler quand je vous parle, je suis obligé de vous parler, de vous dire eux autres. Parce que je suis obligé de vous faire reconnaître qu'il y a une intelligence objective à l'homme. J'ai une intelligence qui travaille avec l'homme. Mais eux autres se servent de l'énergie, de la substance, d'une substance universelle qui est une énergie universelle pour travailler avec nous autres. Puis quand cette énergie-là passe dans nos corps n'étant pas ajustés, nos corps souffrent de cette énergie-là. Les gens qui sont débalancés, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas capables de la vivre, l'énergie. Ils ne savent pas comment la vivre. L'énergie, il faut qu'elle se canalise. Il faut qu'elle se canalise mal. Elle se canalise en violence. C'est ça de l'inconscient. Elle ne se pénètre pas à bonne place. Elle ne rentre pas à bonne place. Il faut qu'elle sorte. Un homme, c'est un système... C'est un système qui est constamment tendu. Essayez d'être chez vous pendant 15 heures assis sur votre siège sans gourir. Vous allez avoir des souris dans le pétu. Parce qu'il va falloir que vous, qu'elle se canalise, cette énergie-là. Vous allez changer de position. Il y a quelque chose qui se passe. Puis si vous mettez en transe, en état de grande méditation, mais finalement, vous allez vous mettre en transe. Finalement, vous allez vous endormir. Puis l'énergie va se canaliser sur un autre plan. Mais l'énergie, il faut qu'elle passe. Fait que dans notre action, tous les jours, c'est la même chose. Il faut qu'elle passe, cette énergie-là. Mais on ne sait pas comment la manipuler. Le yogi qui est capable de rester immobile pendant, je ne sais pas combien d'heures, en dessous de l'eau, dans un baril ou... Il s'est entraîné. Il s'est entraîné à contrôler l'énergie. C'est exactement ce qu'ils font. Il s'entraîne à contrôler l'énergie. Seulement, si tu t'entraînes à contrôler l'énergie pour des raisons égoïques, et si tu affectes des centres dans tes corps qui sont susceptibles de dévaster la balance de ton corps éthérique, tu peux venir fou. Il y a des yogas qui craquent, qui viennent dingue. Il y en a des yogis qui sont totalement dingue. Ils n'ont plus d'esprit, c'est comme des enfants. Complètement comme des enfants. Tu peux pas parler. Tu peux pas parler avec ce monde-là, il n'y a rien à dire. Le but de l'évolution, c'est pas d'en arriver à cet état-là. Le but de l'évolution, c'est d'en arriver à vivre ces énergies-là, les manipuler, t'en servir à volonté pour créer. Parce qu'il y a toujours une façon à l'homme de rationaliser une situation. Il y a tout le temps. L'homme, d'ailleurs, il est là. Pourquoi est-ce que je détruis les formes? Pour en arriver à ce que les gens puissent fonctionner vibratoirement en dehors de la forme. À ce moment-là, ben, là, tu peux plus rationaliser. Quelqu'un t'arrive avec une affaire, tu vois à travers. Faut que chacun de vous autres puisse éventuellement voir à travers n'importe quelle forme. Oui, inclusive. Inclusive. C'est ça du discernement. Voir au travers, c'est simplement l'éliminer, puis après ça, on veut que on reste là. Non, parce que t'as pas besoin d'éliminer. Parce qu'ils peuvent t'apporter du bon.

quand tu vois ses plans, même ils peuvent te bloquer et tu peux pas passer. Même le plan sombre. Dans le plan sombre, c'est. Dans le plan sombre, les lois sont différentes. Dans le plan sombre, tous les êtres qui sont dans le plan sombre sont soumis à des lois de domination, que les lois de domination sont tellement sévères que ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui se passe. La qualité de l'expérience dans l'ensemble, c'est que les êtres sont prisonniers du temps à un tel niveau que leurs capacités créatives sont réduites à zéro. Tu sais, quand tu vois des films de des gens maniacales, il y a le plaisir de détruire le plaisir. Bon, mais c'est ça, c'est leur plaisir, ils ont rien que ça. Est-ce qu'il y en a des gens, par exemple, des êtres qui ont des formes physiques comme nous autres, qui sont sous la domination de ces gens-là? Effectivement. Effectivement. Plus ou moins. Göring, c'est un exemple. Himmler. Hitler. Quand Hitler était dans son bunker et qu'il paniquait, là, quand il était avec Albert Speer et qu'il discutait l'architecture de la nouvelle Germania, d'un coup, là, il avait l'écume à la bouche, là. Puis les yeux, ils venaient grands comme des cinquantaines, puis il disait, I see them. C'est pas. Vous voyez. Ben, c'est évident qu'il voyait sur l'autre plan. Pourquoi est-ce qu'Hitler était si puissant? Parce qu'il est en contact avec le supramental. A-t-il été la même chose pour Napoléon et Alexandre le Grand? Plus ou moins. Ça dépend avec quelle vibration tu travailles. Penses-tu que des hommes, les psychologues ont dénigré Hitler, disaient c'était un petit truc de cul, c'était un petit capitaine, un petit colonel. Qu'est-ce que t'es pas? Que tu sois un petit truc de cul, quand tu es en contact avec les autres, tu deviens un grand truc de cul. Parce qu'il y a un peu de bord, là, d'autre côté, là, l'industrialisation, c'est lui le maître. C'est lui le maître du monde. Bon, il a fait des bonnes choses au début, d'ailleurs. Le développement de la Volkswagen, ça a servi à quoi? Ça a servi pour attacher l'Allemagne, émotivement, à son génie politique futur. Ça a été un instrument. Mais il a jamais dit que chaque Allemand était vraiment sur le coup. C'est évident. C'est le monde entier qui commence à avoir la Volkswagen. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand un homme travaille avec des forces, que ce soit des forces de lumière ou des forces négatives, il y a toujours un temps dans la connexion où l'homme est obligé de travailler avec des forces pour rendre les masses conscientes de telle chose. C'est ce qui est arrivé avec Hitler. Il travaille avec des formes puissantes, puis les gens ont tout poigné dedans. Les quelques qui ont réussi à voir à travers de son jeu, c'est parce qu'il avait accès à l'invisible, comme Rudolf Steiner. Il voyait. Il rencontrait Hitler sur le plan strat, il voyait bien comment ce qu'il était fait, ce gars-là. C'était pas le Führer qui se promenait à... C'était pas le Führer. Sur le plan... c'était pas le Führer. Mais non, on va se dire, ces gens-là, c'était des gens physiquement antiques. Napoléon. Ça, c'est des accidents de parcours. Il y a des raisons là-dedans. Charles de Gaulle, c'était un grand cycliste. Charles de Gaulle, c'était pas un homme comme Hitler. C'était pas du même calibre. Ah, d'accord. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est trop quoi? Parce que quand ils sont debout, c'est moins fatigant pour respirer. Ouais. D'accord, matériel. Ça dépend toujours des conditions psychologiques d'une civilisation. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont devenus des hommes qui ont marqué l'évolution du monde. Il dit que souvent, les grands hommes ont toujours une sorte de défaillance. Ils sont petits, ils aimeraient ça être grands. Regarde Lincoln, c'était pas un cadeau à voir visuellement, c'était pas une beauté. Regarde... Ça n'a pas été un bon président, Lincoln. C'est-à-dire que Lincoln a fait des choses importantes aux États-Unis au niveau racial. Oui, mais je veux dire, c'est pas du même calibre encore là que... Au niveau des États-Unis, on va pas dire ça à l'Américain. Regarde Gandhi. Roosevelt, c'est un infime. C'est ça que je voulais dire, c'est la deux affaires. Roosevelt, c'est un infime. Alexandre le Grand, Napoléon, puis deux, Matato, Leveur. C'est parce qu'il lit l'histoire de l'autre. C'était pas pour prendre le jeu. C'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Oui, il y avait les deux bras pendants. C'est un signe d'orgueil, ça. Des hommes extrêmement orgueilleux. Ben, ils ont besoin de ça pour faire ce qu'ils font. Mais les deux petites poches. hein? Ministre des Finances, c'est l'autre signe d'orgueil. J'aimerais revenir à Hitler un peu. Tu as dit une chose qui m'a fait sursauter concernant la relation qu'il peut y avoir entre le supramental et Hitler. Tu disais qu'il était dans le supramental? Non, j'ai dit qu'il y avait une relation avec le supramental, autrement dit, avec un mental qui est en dehors du mental humain. OK. Alors, les forces sataniques font partie d'un plan mental qui est en dehors du mental humain. C'est supramental. Ça veut dire qu'à un moment de son évolution, il a, au lieu de s'en aller sur le côté des forces de l'univers, il a décidé d'aller sur le côté des forces. C'est pas qu'il a décidé. C'est vibratoire. Ça faisait partie de son plan de vie. Ça. C'est parce qu'il était déjà tourné à ça. Un homme, une âme. Oui, bon. Moi, je me rappelle de mon expérience quand j'ai été contacté. Quand j'ai été contacté, j'avais la chienne. Parce que là, tu te fais parler, là. Mais tu sais pas si c'est des forces négatives ou des forces positives, puis t'es plein des formes de spiritualité, tu sais. Bon. Là, ça te passe dans la tête. Ils ont beau te dire c'est si c'est lui qui te parle ou c'est l'autre qui te parle. Tu le sais-tu? Puis laisse-moi te dire que pendant des mois de temps, j'ai souffert le doute. Quelle barre. Finalement, là, quand ils ont arrêté de me casser les pieds un petit peu, là, ils ont dit, t'es-tu bon ou t'es pas bon? J'ai dit, je suis bon. Ils ont dit, tu peux-tu faire du mal? J'ai dit non. Ils ont dit, comment faire du mal? Non. Fait qu'ils me donnaient des valeurs comparatives pour voir comment est-ce que je fonctionne. Moi, je sais comment. Toi, tu sais si t'es bon ou si t'es pas bon? Bon. Moi, je savais si j'étais bon ou j'étais pas bon. Puis c'est parti de là que j'ai commencé à me fier un peu spirituellement aux autres. Mais avant que je puisse me fier spirituellement aux autres, j'ai passé un maudit quart d'heure. Parce que laisse-moi te dire que quand tu es contacté avec le niveau que je suis contacté, Charlie, c'est you make it or you don't. C'est absolu, il n'y a plus de jeu. D'abord, tu peux perdre vers la connexion, c'est toujours qui te connaît. Mais c'est toi qui tu l'as permis? Non. Moi, je me mêle à de mes affaires. Mais je crois que quand il te dit, t'es-tu bon, c'était bon, j'ai corrigé, tu pas bon, parce que toi, si tu avais pu penser dans ce temps-là, ils vont me l'offrir. Il posait la question, puis... Il posait la question à moi pour que je puisse avoir du dialogue avec eux autres, pour que je puisse comparer ma valeur spirituelle, si tu veux, ma valeur morale, avec une valeur que j'avais dans la tête. Ouais. Tu sais. Fait que là, ça te permet de te rassurer. Il faut que tu te rassures, parce que l'ego, il flippe dans ce temps-là. Vous l'avez dit, vous autres. Vous autres, vous l'avez dit. Vous êtes chanceux en maudit, vous le savez même pas. Moi, je peux vous dire si vous êtes bon ou si vous êtes pas bon. Moi, je pouvais pas le dire. Il faut que je l'apprenne à l'intérieur de cette énergie-là. Parce que quand tu commences à travailler des pouvoirs, quand tu commences à avoir le pouvoir, c'est bien beau avoir le pouvoir, mais il faut que tu saches ce que ça va, ce pouvoir-là. Comment l'utiliser, ce pouvoir-là? C'est peut-être pas faux. C'est en passant un mot du cabinet. C'est pour ça que je te dis, quand je vous dis que vous avez le bénéfice de mon expérience, vous autres, si vous avez une entité négative, vous ne savez même pas. Moi, je le dis. Moi, je peux vous décrocher votre entité négative. Mais quand vous êtes seul, vous êtes pogné avec ça, surtout avec tout ce qui court dans le temps, là, l'antichrist, tu penses que ça ne m'a pas passé par la tête, moi, cette affaire-là? Je m'en allais sans ma femme, donc vous allez voir comment est-ce que j'ai pleuré. Moi. Pleuré pendant des semaines de temps, de souffrance intérieure. Parce que ça va pas finir ta... Non, on commençait à m'en faire. Ah. C'est terrible, le truc. Quand l'âme est troublée, là, c'est quelque chose. Quand l'âme est troublée, l'ego veut se situer. Moi, la seule preuve que j'ai eue, je l'ai eue dans les rêves avant l'initiation, que je ne savais même pas que si j'avais eu le rêve, parce que moi, les rêves, je n'étudiais pas ça. Mais j'ai eu un rêve avant l'initiation, 3-4 semaines avant, là. Puis c'est quand j'ai été contacté que j'ai compris ce rêve-là. Puis ça m'a situé un petit peu. Ça m'a tassé. Est-ce que c'est de l'angoisse? C'est une sorte d'angoisse intérieure. C'est une... quand tu travailles, quand tu es en contact avec des forces de même, tu veux savoir avec qui tu t'en fais. Puis quand... C'est quand tu es fusionné... Quand tu es fusionné, tu ne défusionnes pas de même. Tu veux savoir avec qui c'est à faire, puis ils vont te le dire, puis là, ils te taquinent, comprends-tu, puis ils t'en font passer un maudit quart d'heure jusqu'à temps que tu puisses être assez fort pour passer à travers. Et après ça, là, ils t'ouvrent les portes, puis ils te font voir, puis ils te font comprendre, puis ainsi de suite. Mais T'en chiales une chatte. J'ai pleuré. Moi, je m'ai vu pendant des semaines de temps au pied de mon lit dans la chambre pour prier. Pour prier. Surtout dans le temps, si ça avait été v'là 20 ans, ça avait été v'là 40 ans. Mais quand t'es rendu dans les années 80, 85, 90, là, tu calcules que tu commences, qu'ils te contactent tout de suite, là, puis ils peuvent prendre tant d'années, puis rendu après tant d'années, tu peux être ça, l'Antéchrist. Je te dis que t'en passes des maudits quart d'heure. Puis ils vont pas te dire non, par là-dessus. Là. Ils vont dire, tu verras. Tu sais, quand tu fais dire, tu verras, tu es dans le pouvoir, tu doutes, tu vis ton crise de doute jusqu'au bout. Fait que votre petit doute, vous autres, là, vivez votre doute. Moi, je l'ai vécu une nuit. Qu'est-ce que c'était son rêve, toi? Bon, ben, je n'ai pas pour vous le compter. Mais au moins, il était rassurant, mon rêve. Mais je ne le comprenais pas avant le contact, mon rêve. 5 après. Puis il te coupe la mémoire. Tu n'as pas de mémoire quand tu es fusionné avec eux autres. Fait que tu comprends le rêve, tu as de la mémoire hein, quand ils veulent. Des ben, mois après, pas le quand, quand tu n'as passé toutes les couleurs. C'est pour ça que je dis, je sympathise avec l'homme, mais je n'ai pas de sympathie avec toi. Je sympathise parce que je connais sa condition, mais je n'ai pas de sympathie parce que tant que je vais être avec l'homme, tant que je vais être parmi l'homme, je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que moi, quand même que vous croyez ou que vous ne croyez pas, pour moi, c'est sans importance, puis c'est mieux que vous ne croyez pas, anyway, c'est mieux que vous sachiez. Mais je sais que s'il y a un homme sur la terre qui peut donner à l'homme de l'information suffisamment claire et nette pour l'amener à être totalement autonome, c'est moi. Ça, je le sais. Puis que vous le sachiez, ça, c'est sans importance. Mais moi, je le sais. 10 pièces d'achat. Combien de chats qu'on a besoin? Ça, c'est intéressant à long terme. Tu deviens apte. Mais tu m'as dit quelque chose. Dis-moi, je parle moins. Quand tu es fusionné, tout est clair. Tu vois tout. C'est clair, c'est simple, c'est simple. Puis quand tu réalises, quand tu n'es pas fusionné ou quand tu regardes la non-fusion ou l'évolution, il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de simple. Puis le contraste entre le clair, le sûr d'être sûr, puis son opposé est tellement vaste que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais toi, dans le sens, c'est ça qui te choque, parce que l'homme, il s'est tellement organisé, puis réorganisé, puis réorganisé, que ça n'est pas dégueulasse. Je viens qu'éventuellement, je me fâche. C'est dégueulasse. C'est ça. Je me fâche, parce que ça me révolte. Puis ça me révolte même contre les autres. Puis ça me révolte contre des civilisations qui sont nous, d'ailleurs. Moi, j'ai eu des engueulades avec eux autres. Des engueulades terribles avec eux autres. À savoir quand est-ce que ça va venir vers moi. Je leur disais que l'homme aujourd'hui, s'il avait été aidé, l'homme, on ne serait pas dans la merde qu'on est aujourd'hui. Mais l'homme n'a pas été aidé parce que les lois cosmiques nécessitent que les hommes passent par leur expérience. Ça, c'est ce qu'ils me disaient. Là, j'allais à l'attaque encore. Je disais, oui, d'accord, ça, c'est les lois cosmiques. Mais si l'homme avait été aidé, réellement aidé, puis là, il m'arrivait, parce qu'ils ont toujours une réponse, ces sacrements-là, tout le temps. Là, il disait, oui, mais l'homme était trop émotif. L'homme était trop astral. Fait qu'il dit, si on était venu dans le temps, que des civilisations seraient venues dans le temps, l'homme devait développer un corps mental. Puis l'homme a commencé à développer un corps mental seulement depuis le début de la race aryenne jusqu'à aujourd'hui, ça a pris 10 000 ans. Puis il dit, regarde, aujourd'hui, l'homme a développé un corps mental, puis il est encore pris dans les formes du mental. Il dit, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, que l'homme est rendu à avoir développé le corps mental, il est prêt à accepter la suprématie du corps supramental, qui est la connexion cosmique avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'intelligence. Parce qu'il y a eu une évolution qui s'est faite. Puis il dit, dans le temps, c'était impossible. Fait que je suis obligé de fermer ma gueule. Mais j'ai poussé jusqu'au bout du mur pour avoir une réponse à leur situation. Puis ils ont toujours raison. Tu peux pas t'assister que ça. Oui, mais vous le voyez, moi, tu regardes ça, là, à froid, tu sais, le décortique un peu. Le monde est encore très, très, très émotif parce que même les partis politiques, ils pognent encore avec des émotions. Oui, et toi? C'est pour ça que. Ah, moi, avec les voisins et tout chier aujourd'hui. C'est pour ça. C'est une gang de cette forêt. C'est pour ça que tout se fait individuellement. La conscientisation supplémentaire va se faire par individu, jamais au niveau d'un groupe ou d'une association ou d'une société. Jamais. Ça, je suis content de ça. Ça, je suis content de ça. Ça va se faire individuellement. Ben, il faut que ça se passe de même aussi, parce que tu regardes le monde, il n'y en a pas un, tu sais, que tu sois en groupe, que tu sois seul, que tu sois... Tu vois le monde. Il n'y en a pas un qui pense pareil, il n'y en a pas un qui est évolué pareil, il n'y en a pas un qui a les mêmes vibrations, il n'y en a pas un qui réagit de la même façon. Tu vas prendre 50 malades, donner la même maladie, il y en a qui vont crever, il y en a qui vont revenir, d'autres vont rester infirmes, puis il y en a qui vont passer au travail. Fait que, c'est de l'individualité. C'est ça, c'est l'individualité. C'est un élu, ça. C'est essentiel. Non, mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Là, on tombe en l'année 81, puis on me pose des questions. Comment ça se fait que moi, Chris, mon pognon en rouge, pas des sentiments. C'est une de la maudite bullshit. Moi, c'est ça, je m'aperçois, là, comparativement à bien des gens, je suis en cœur en maudit. Je ne bouge pas. Puis des fois, là, ils me font voir, là, si gars, t'es encore émotionnel en maudit. Il y a des gars, il y a des gars, moi, donne un exemple. Il y a des gars qui sont tellement intelligents parce qu'ils sont intuitifs. Ils sont tellement intelligents qu'ils peuvent te créer des systèmes qu'avec ton talent intelligent, tu ne pourrais pas en sortir des systèmes-là. Parce que ça se tient. Puis ça marche. Puis c'est justement parce que ça marche que les gens se font prendre. Si les gens avaient la vibration coupée à travers la graisse de l'intelligence rationalisée, les gens ne se feraient pas prendre. Je te donne un exemple de la scientologie. La scientologie, c'est contrôlé par les forces négatives. C'est intelligent, la patente. Puis ça marche, la patente. Puis c'est effectif, la patente. Puis c'est dangereux, en maudit, la patente. Mais comment est-ce qu'il y a des gens qui se font prendre dedans? Pourquoi? Parce que la patente t'apprend à développer de la volonté, puis à pouvoir contrôler ton environnement. L'homme autour de toi. Fait que d'un grande structure, d'un grande société, IT&T, d'un grand multinational, puis dans Stanford Research, puis les grandes machines, là, les gros think tanks, Grand Corporation, regarde les gars qui sont là-dedans, puis moi j'en connais, c'est des scientologistes. Oui, mais ils deviennent comme des robots. C'est pas qu'ils deviennent comme des robots, ces gars-là, c'est que ces gars-là sont des robots-chefs. Ah oui, c'est ça. Puis un robot-chef en arrive éventuellement à contrôler des gras. Tu veux dire assez que ça, dans tout. C'est ces affaires-là, ou quand tu vois qu'est-ce qui se passe, c'est la soif du pouvoir. C'est toujours la soif du pouvoir. C'est exactement ça. Puis qui c'est qui a la soif du pouvoir? C'est l'ego. C'est ça. Puis les moyens de l'obtenir, c'est par la pièce. Mais non, c'est pas une pièce, ils vont te chanter une pomme. Nous autres, on parle de politique aujourd'hui, là, on parle de politique et gouvernement, il n'y a rien là. C'est pas le gouvernement qui rend le monde. Des pensées. Il y a 1200 hommes sur la planète Terre qui contrôlent l'évolution de la planète Terre au niveau économique, au niveau politique. 1200 à peu près. Puis va dans les champs de ces gens-là, puis tu vois que ces gens-là sont tous reliés à un niveau ou un autre avec des sociétés secrètes. Oui. Pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est la représentation populaire du peuple. Le gouvernement, c'est moi, j'ai toujours calculé à peu près comme un ami. Ces hommes-là qui parlent ne sont pas affichés. Ils travaillent. Ben non. Ils sont pas humains. C'est évident qu'ils ne sont pas affichés. D'ailleurs, on va te dire une chose, c'est la première règle que tu dois reconnaître en politique. Garde. Les gens qui rentrent ne sont jamais connus du public. Ben garde la mafia. Garde la mafia, c'est un exemple. De temps en temps, la police réussit à en dénicher un. J'ai manqué de me faire tuer, mais déjà, j'avais embarqué sur une ligne ouverte qui parlait de l'histoire du Vatican, d'ici, des ça. Vatican, ça, je n'ai rien là, c'est la mafia. Là. Ah, c'est une ligne ouverte à faire ça, oui, je pense. Il faut jamais lancer les vérités à la figure des gens comme ça. C'est là le discernement. Hein? C'est là le discernement. Moi, j'en entends des lignes ouvertes des fois. Je pourrais bien aller sur la ligne ouverte pour parler et pas dire mon nom. Je ne le fais pas. Pourquoi? C'est une perte d'énergie. Je l'ai envoyé. Écoutez, téléphone après moi, j'ai rien compris. Ça fait plaisir à ton égo. Ben, ça fait plaisir à mon égo. Moi, j'ai essayé de faire un choc, de les réveiller, Chris. Je voulais mettre pas le cahier, Je vais être fermé. C'est effrayant, Nia. Mais on peut-tu, en essayant de réveiller quelqu'un sur un sujet, s'attirer des énergies? Vous n'avez pas à réveiller personne. Oui, mais si on le fait, là, vous n'avez pas. Ça a déjà été fait. Ouais. On peut-tu s'attirer des énergies? Ben, on peut calculer négatives. Non, mais tu peux t'attirer des bosses. Moi, il y en avait qui a reçu mon numéro de téléphone ou mon nom. J'en ai tué. Tu parles du monde qui comprenne. Sans ça, vous videz. Ah, mais le lingua, tu sais, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais j'ai eu de mes chums qui m'ont appelé, moi, qui connaissent ma voix. Tu sais, j'ai eu 3-4 qui m'ont appelé avant. Ils ont dit, ouais, donc c'est une bonne. Il a vu que les deux, vous croyez les deux tantôt, son but n'était pas si néfaste que ça, quand on est sort. Il voulait la race à rien. Sais-tu qu'est-ce que c'est le phénomène d'Hitler? C'est que Hitler a été pris dans la forme occulte de la science orientale. C'est qu'au début, il y était. Hein? Au début, il était sur le bon chemin. Ça veut dire qu'au début, il avait des bonnes intentions. Mais avec le temps, il est devenu fou intelligent. Hitler, c'était un fou intelligent, autrement dit. Sa folie était liée au fait qu'il était destructif. Son intelligence était liée au fait qu'il était en contact avec d'autres clans d'intelligence. Puis Hitler, son erreur, ça a été que... C'est-à-dire que l'intelligence du mouvement nazi a été fondée sur le fait que les théories ariennes, les théories occultes de la race arienne, sont des théories occultes réelles. C'est vrai qu'il y a une race arienne, qu'il y a eu une race arienne. C'est vrai, c'est indéniable. Seulement que Hitler a attribué à la race, au peuple allemand, l'évolution, la progression, puis éventuellement la domination mondiale à cette race-là. Ça y prenait une forme, Hitler. Alors, sa forme a été fondée sur son peuple. Puis il est parti de là, puis ils l'ont développé, puis il s'est fait aider par des occultistes, Haushofer et compagnie, toute la gang. Eux l'ont considéré comme un avatar, mais il est en avant de son temps, de combien de... Ils l'ont considéré comme un avatar, parce qu'il était un avatar, Hitler, pour eux autres. Le mouvement nazi, la société nazie interne, c'était totalement occulte. Mais ça existe encore, le mouvement nazi, puis ils vont re... Ouais, ça dit que la vibration demeure. Mais le mouvement nazi ne pourra jamais se reconstituer. Jamais, parce qu'il a perdu son âme. C'était pas le sixième race qui pensait qu'il... C'est ça. L'interprétation. Tu sais, il n'y a rien de plus dangereux qu'interpréter l'occulte. Si tu interprètes l'occulte, c'est garanti que tu vas te faire prendre dans fort. Puis il s'est fait prendre dans fort. Le peuple allemand s'est fait prendre dans fort. Mais dis donc, c'est que c'était ça, le petit Albert. Le petit Albert ou le grand Albert? Le grand Albert. Il dit que c'est un être qui avait une grande intuition, une grande intelligence, puis dont la fonction était de reconstituer, au niveau de la connaissance occulte qui venait du Moyen-Orient, une vibration pour permettre qu'elle demeure dans le monde occidental pour donner des structures à l'évolution de l'hermétisme occidental. C'est un magicien, ça. C'est un magicien. C'est un hermétiste. Moi, je vais te parler parce que quand il me parle, il faut que je transmette, c'est trop dur. Ça fatigue. C'est un être qui avait des liens occultes avec le passé. C'est un être qui était sensible vibratoirement à la mémoire du passé. C'est un être qui avait la compréhension intuitive de l'occultisme. C'est un être qui pouvait maintenir par son travail la vibration de l'occultisme, de l'hermétisme dans la conscience occidentale qui, à ce moment-là, avait besoin d'être régénérée dans la vibration des temples anciens. Alors, à travers des études qu'il a faites, la structuration de ces études, ça a permis de développer une certaine science qui a servi de palier de base à ceux qui devaient venir après. Mais il dit que c'est la ségrégation divisive de l'égrégore ancien de la Rome et de la Grèce occulte. Qu'est-ce qu'il dit par ça? La ségrégation divisive, c'est le choix dans son esprit de certains aspects des connaissances occultes anciennes mélangées avec des connaissances occultes anciennes bonnes. Il y a du bon et du mauvais dans Tissalbert et Grandbert. Comprenez-vous ça, vous autres? Il l'a voulu. Ouais, j'ai un livre, moi, il y a du bon et du mauvais. Pis si vous le lisez comme il faut, vous allez voir qu'à certains moments, il y a une alliance qui se fait dans son esprit avec la magie. Pis c'est l'alliance avec la magie qui fait que la personnalisation occulte de cet être-là peut être retardataire pour certains individus qui comprennent mal le but de la spiritualité. Parce que, disons, quand tu commences ton livre, il marque bien. Il faut que tu sois attentif. Et si tu as des mauvaises intentions, tu es mieux de parler de livre et de mettre au feu. Ouais. Mm-hmm. Parce que c'est un livre, disons, celui que j'ai, mais complètement top de récent, toutes ces choses-là. Ce bonhomme-là, là, les recettes, il y a besoin des recettes, là. Les recettes peuvent servir deux buts. Oui. OK? Ça dépend de ton intention. Suivant ton discernement, tu peux aller là ou là. C'est suivant ton intention. Ouais. Moi, j'ai rien contre l'occultisme et toutes ces affaires-là. C'est fantastique. Mais ce que je déplore, c'est le manque de discernement de la part des hommes. Il est là le danger. Parce que toute science peut être renversée. La science, c'est comme tu dis souvent, la ligne de démarcation est bien mince. Elle est très mince. Très mince. C'est comme je regardais un livre cette semaine. Parce que disons que lui, quand tu lis son livre, là, réellement, là, dans son temps, lui, avec tout ce que c'est qu'il a découvert, comme tu dis, qu'il a fait à gauche, pas à droite, quoi, il a fait énormément de bien à bien du monde. Dans son temps. Mais lui, ça va commencer à se faire rire. À bon escient. Je regardais un livre dernièrement. J'ai trouvé une pensée dans le livre extraordinaire. Ça se tient, ça a du bon sens. Mais c'est pas la réalité. Le type, il disait, les anges sont des pensées. C'est fort comme pensée. Comment tu dis? Oui, ça se lit pas avec ça. Comment tu dis? Ce qu'on appelle des anges. Les anges sont des pensées. Ouais. Fait que comme pensée, c'est fort comme pensée. Ouais. Fait que j'ai dit à Jojo, je l'appelle Jojo. J'ai dit, je sentais une vibration là-dedans. J'ai dit, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Il dit, c'est vrai dans le sens qu'on manipule de l'énergie qui devient pour vous autres de la pensée. Puis comme c'est nous autres qui la manipulent, l'énergie, il y a une relation directe entre la pensée, l'énergie de la pensée, puis nous autres. Mais quand elle passe dans votre système psychique, elle est déformée, cette énergie-là, puis c'est là qu'elle retarde votre évolution. Mais il dit, nous autres, il dit, on est absolument des êtres. Il dit, on est absolument des êtres. On est absolument des intelligences. Comme vous autres, vous avez une intelligence, nous autres, on est intelligents. Il dit, il a pas dit, on a de l'intelligence. Il dit, on est intelligents. Puis il dit, le fait qu'il dit que les pensées sont des anges, il dit, c'est pas juste. Le mot est pas juste. Parce qu'il dit, à ce moment-là, vous nous prendriez pour dépenser. Puis il ne faut pas que vous nous preniez pour dépenser, mais que vous réalisez qu'on manipule l'énergie qui crée en vous de la pensée. Puis il dit, c'est important cette différence-là. Fait que ça venait de cette lapatante. comprends-tu? Mais tu prends un type qui lit ça, qui est intuitif, il va accrocher juste là, puis il va rester avec ça. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à un homme qui est sensible, puis qui lit que les anges sont des pensées? Il va donner à la pensée qu'il lit une vertu absolue. Puis le monde, l'univers, va se limiter au niveau de la pensée. Tandis que l'univers n'a pas de limite. Et l'univers doit être considéré en dehors de toute créativité. Parce que la créativité est une expression de la lumière dont eux autres font partie. Et qui se manifeste sur les plans. Fait, ils sont pas de la pensée. Fait que chaque fois qu'on lit quelque chose, souvent ça a du bon sens, il faut qu'on ait le discernement pour aller plus loin. Puis c'est pour ça que les autres ils disent tout le temps, il faut que vous puissiez avoir des pensées impossibles. Puis ce qui veut dire des pensées impossibles, c'est des pensées qui ne se pensent pas. Puis une pensée qui ne se pense pas, c'est la vibration. Fait que quand tu es dans la vibration, là tu peux créer une pensée qui se pense. Mais tant que tu n'es pas dans la vibration, tu ne peux pas créer une pensée qui se pense, alors automatiquement tu es obligé de la subir. C'est là que tu tombes d'une part. Puis on fait ça à tous les niveaux. Moi, je l'ai saisi, sa pensée, quand il a dit ça. Je trouvais ça beau. Parce que pour dire que les anges sont des pensées, il faut avoir une grande intuition. Ouais. Mais c'est un au-dessus de ce que tu dis. Mais je suis allé à la limite de la pensée. Puis la limite de la pensée, c'est la vibration. Puis la vibration m'a déterminé le contexte absolu de la réalité de la pensée dont il lui définissait l'existence. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'attends. Oui, mais c'est pas pour te prouver qu'une phrase peut engager 20 minutes. Exactement. Ça revient toujours à ça. Tout le temps, ça. Quand tu dis, il me dit ça, il me dit ça, ça veut dire que parfois, il change, c'est pas toujours le même qui parle? Non. Quand je dis, ils me disent que, tu pourrais employer un terme qui est général, qui est universel. C'est toujours un qui parle. Mais c'est toujours la même intelligence. J'ai toujours contact avec la même intelligence. Tu dis qu'ils sont pratiquement individualisés? Ils sont pré-personnels. Ah, ils sont pré-personnels? Bon. Oui, mais dans le pré-personnel, ils ont-tu... c'est difficile à exprimer. Nous autres, on a notre individualité. Ils sont pré-personnels parce qu'ils n'ont pas de mental et ils n'ont pas d'émotion. Nous autres, on est personnels parce qu'on a du mental et de l'émotion. Mais eux, conscience. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Ils sont de la lumière. Alors, à ce moment-là. C'est la lumière. Hein? Une personnalité. Ils sont pré-personnels. Ils n'ont même pas une identité. Ils ne peuvent pas se définir par rapport à un autre à côté d'eux autres. Oui. Ils sont identifiables. Mais il dit que je ne peux même pas dire qu'ils ont une identité. Ça, c'est intéressant. Regarde la nuance. On peut pas dire qu'ils ont une identité, mais on peut dire qu'ils sont identifiables. Comment tu veux dire? La différence? À nous. À celui qui voulait. À celui qui voulait. Ouais. Ils sont identifiables. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai identifié. Si t'en vois un autre, je dis non, c'est pas lui. J'ai identifié un autre. Avant lui. Je savais que c'était un autre. Mais je quelle forme tu le vois? Parce que. Ils sont dans le lien. C'est des aides dans le lien. Non, mais je veux dire. Votre corps physique, rien de ça. Ils ont une forme. Ils prennent une forme. Mais ils prenaient qu'une forme. Sans ça, ça serait avec de la lumière. C'est ça. Puis en ayant avec de la lumière, à ce moment-là, tu es absorbé dans la lumière, fait que tu peux plus fonctionner. Fait qu'ils prennent une forme, là, ça te permet de t'identifier avec la forme. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, déjà, je comprends. Parce que sans ça, rien qu'une lumière, là, ça t'éblouit, puis tu peux pas fonctionner avec. Non, parce que si c'était avec une lumière, je pourrais pas fonctionner avec ça. C'est impossible. Fait qu'ils donnent une forme, là, au moins, tu peux t'identifier. Ils sont beaux. Mais c'est encore plus haut que l'ajusteur de pensée ou ça fait partie de... Ça fait partie de l'ajusteur de pensée. Ça veut dire l'ajusteur de pensée est sur ce plan-là. Le mien, en tout cas. Ouais, ça dépend, ça. Ah oui. Mais quand tu dis votre ajusteur de pensée, notre ajusteur de pensée, change-tu avec notre évolution? Non, comme il reste. Disons notre guide? Il reste. L'ajusteur de pensée, il reste. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est des mondes de la lumière. Si je voyais avec de la lumière, ensuite il y en a un autre qui vient avec de la lumière, puis l'autre il vient avec de la lumière, parce que quand ils viennent de là-bas, ils viennent avec de la lumière, ils descendent un rayon dans la maison, puis ils arrivent sur le rayon, puis là ils se manifestent, tu vois avec de la lumière, tu sais pas avec qui ce que t'es. Fait qu'il y a comme une anxiété intérieure, tu vois avec de la lumière. Puis la lumière est intelligente, mais regarde, quand tu regardes une lumière, là, malgré qu'un petit peu que c'est comme ça, tu vois une lumière. Alors, la lumière, elle communique avec toi, il y a de l'intelligence, mais qu'est-ce que c'est, tu sais? Au moins, si tu vois une forme, ça te permet de t'identifier avec la lumière. Tu peux l'appliquer. tu peux relaxer. C'est ça. Parce que toi, t'es dans une forme. Parce que je suis dans une forme. C'est ça. Quand tu seras plus dans la forme, t'as le plus besoin de la forme. C'est ça. Exactement. On rentra de la lumière. La lumière, c'est ça. C'est là que l'arme fonctionne. L'arme fonctionne avec au niveau de la lumière. Ça tient un rapport avec quand tu parles à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Il se déplace à la vitesse de la lumière, mais pas la lumière matérielle. Non, je ne peux pas te le dire. Quand, mettons, tu sais, on va dire, quelqu'un parle, c'est là, il voyage à la vitesse de la lumière, ou bien là, une galaxie voyage à la vitesse de la lumière, ça tient un rapport avec ça. Tout déplacement, toute vitesse de la lumière représente un déplacement quelconque. Eux autres, s'ils partent de leur plan à notre plan, sont obligés de prendre une certaine vitesse quelconque. Plus ils sont élevés, plus ils voyagent vite dans le temps. Alors, plus ils sont élevés, plus ils peuvent être petits, comme dans quasiment l'instantané. C'est pas tout à fait l'instantané, mais c'est presque l'instantané. On a été invité à la lumière. On est quoi? On a été invité pour aller à la lumière. La nourriture? Mm-hmm. La lumière de l'estomac. OK. Il y a une sorte d'imagination que j'appelle l'imagination de l'occulte. L'imagination de l'occulte, c'est une faculté de l'intelligence de l'homme qui veut que l'homme puisse résoudre des problèmes concernant les mystères de la civilisation. Les gens qui lisent des livres occultes font l'expérience de cette imagination-là. Faut que je vous mette en garde contre l'imagination de l'occulte. Pas dans le sens que l'imagination de l'occulte n'est pas intéressante pour l'esprit. Au contraire, elle est très intéressante pour l'esprit. Elle est même passionnante pour l'esprit. Mais dans ce sens que si vous déployez beaucoup d'énergie au niveau du mental pour résoudre ou essayer de comprendre les mystères de la planète, d'abord, vous ne réussirez jamais. Parce que les mystères de la planète, soit qu'ils sont sus, connus, au niveau de l'expérience, ou soit qu'ils sont ajustés à l'expérience de l'imagination, par le biais de la curiosité. C'est impossible de connaître les mystères de la planète Terre qui sont occultes. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des écrivains qui étudient certains aspects occultes de ces mystères-là et qui les étudient sur certains plans et qui découvrent des choses sur certains plans. Et qui ramène ce qu'il découvre sur certains plans au niveau de l'expérience matérielle. Il n'y a pas nécessairement de concordance entre l'expérience faite sur certains plans et l'expérience matérielle. Je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, sur le plan astral, peut essayer d'étudier les couloirs de la planète Terre. Alors, sur la planète Terre, il y a des couloirs par lesquels l'homme peut passer. Mais les couloirs par lesquels l'homme peut passer sur la planète Terre n'ont pas nécessairement de correspondance dans le matériel. Mais l'expérience sur les autres plans est tellement réelle que l'homme peut facilement identifier sur le plan matériel des points géographiques dans lesquels ces couloirs-là sont réalisables au niveau de l'expérience. Et ça, c'est une impossibilité parce que les coordonnées géographiques du plan astral, par exemple, ne coïncide jamais avec les coordonnées géographiques du plan matériel. Le seul plan où il y a coordination entre l'activité astrale et l'activité matérielle, c'est sur le plan éthérique, soit sur un plan inférieur de l'éther ou sur les plans supérieurs de l'éther. Mais il n'y a jamais de correspondance, point par point, entre l'expérience éthérique, entre l'expérience astrale et l'expérience matérielle. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Il y a un hobby que les femmes font. Ils appellent ça du crochet. C'est des gros points, là. Puis avec les gros points, tu peux faire une figure humaine. Alors, si tu prends une photographie d'une personne, puis tu fais un crochet avec la photographie de cette personne-là, c'est jamais la même photographie que tu fais. Puis si tu fais amplifier la différence entre ce qui est représenté par la lumière dans la photographie et ce qui est représenté par la lumière dans le crochet, il y aura énormément de différence. Puis entre l'astral et le plan matériel, c'est la même chose. Vous pouvez avoir dans l'astral des points qui correspondent au matériel géographique, mais vous n'aurez jamais tous les points. C'est un petit peu comme les petits-enfants qui font, les petits-enfants quand ils sont jeunes, qui font des dessins avec numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, puis qui font ils tracent des lignes. Ils peuvent reconnaître que c'est un petit chien qu'ils ont fait. Mais il y a tellement de différence entre la réalité de la forme et le dessin qu'ils ont fait que c'est pas la même chose. Puis les gens, les occultistes qui vont dans l'astral, qui font des investigations des mystères de la planète Terre, les gens, par exemple, qui vont aller en astral et qui vont essayer de redécouvrir les couloirs, les anciens couloirs qui ont été développés, qui ont été créés, montés par les Atlantes pour la survivance de leur commerce avec les Incas, les civilisations qui étaient réunies dans le commerce avec les Atlantes durant la période précolombienne. Ces couloirs-là, ils existent. Mais les couloirs dont parlent les gens quand on fait référence à l'Agartha et à Shambhala, ces couloirs-là n'existent pas sur le plan humain. Mais les gens qui ont fait, qui ont connu ces expériences-là sur le plan astral et qui ont écrit de ces expériences-là comme dans des livres, dont les expériences ont été lues par des profanes, les profanes ont tendance automatiquement à penser que ces couloirs-là existent. Puis ça, c'est de la pure imagination humaine. Puis une personne qui est moindrement sensible à l'occulte peut s'entortiller sans fin là-dedans et perdre énormément d'énergie. Les mystères de la planète Terre qui ont été connus, qui ont été... Bon, je vous en donne un autre exemple. Prenez Lobsang Rampa. Lobsang Rampa a écrit la fameuse cave. On va parler de la fameuse cave dans les montagnes du Tibet. La caverne des anciens. La caverne des anciens, elle existe dans l'astral. Elle n'existe pas sur le plan matériel physique. Et quand un homme va ou fait l'expérience de la conscience astrale, souvent il y a des facultés en lui qui sont maintenues en vie. Il y a des parties de son cerveau qui sont maintenues actives et qui permettent à cet homme-là d'avoir l'impression que l'expérience astrale coïncide avec l'expérience matérielle. Puis même dans votre vie à vous autres, souvent vous êtes... Bon. Je vais vous donner un exemple. Le somnambule. Le somnambule, il se réveille dans la nuit. Il est dans l'astral. Mais il fonctionne sur le plan matériel. Il va se lever, puis il va à la fenêtre, puis il va avoir un trou de 100 pieds, là. Il n'y a rien qui l'empêche, lui, de continuer pour se tuer. Ce qui l'empêche de se tuer, ce sont les forces spirituelles qui sont en lui, puis qui sont actives par le biais de son corps astral, puis qui l'arrêtent. Mais la conscience astrale peut être physicalisée à un tel point que l'homme a l'impression, je ne parle pas du somnambule, là, mais je parle des gens qui font l'astral, l'homme peut avoir l'impression d'avoir une expérience qui concorde avec la matière. Et c'est de ces expériences-là que les gens, les occultistes ou les gens qui ont ces expériences-là, reviennent et souvent écrivent des livres qui sont fascinants pour l'esprit humain, parce que l'esprit humain s'imagine que ces choses-là existent dans la matière. Ces choses-là n'existent pas dans la matière. Les mystères de la civilisation sont sur d'autres plans. Et lorsque l'homme a accès à ces plans-là, la réalisation de ces plans-là est toujours en relation avec sa conscience astrale ou elle est en relation avec sa conscience éthérique. Et si l'homme a l'expérience éthérique de ces plans-là, à ce moment-là, la conservation de la mémoire est totalement sujette à la discrétion du savoir. Et l'homme ne peut pas revenir sur le plan matériel et invoquer ou dire à d'autres personnes que telle chose est à telle place. Parce que c'est ça qui était à la base de la pénétration de la Chine au Tibet. Les Chinois sont allés au Tibet pas pour contrôler le Tibet. Les Chinois avaient besoin du Tibet comme un œil dans ça. Il n'y a rien là au Tibet. C'est une des montagnes et des gens qui vivent dans un état agriculturel très, très primitif. Mais les Chinois sont entrés au Tibet pour des raisons occultes, un peu comme les Allemands sont allés au Tibet pour des raisons occultes. Puis absolument rien pour eux autres au Tibet. Puis les secrets d'une science, cachée depuis des milliers d'années dans des montagnes himalayennes, c'est vrai seulement au niveau de l'éther, c'est pas vrai au niveau matériel. Il n'y en a pas de soucoupe volante dans l'Himalaya au niveau matériel. S'il y en avait, laissez-moi vous dire, les Américains et les Russes seraient rentrés là depuis bien longtemps, parce que ces livres-là sont écrits depuis bien longtemps, puis ils ont la mécanique aujourd'hui des faire sauter les montagnes pour aller voir ce qu'il y a là-dedans. Mais l'imagination, nous autres, les hommes, on est tellement fertiles dans notre imagination parce qu'on a une curiosité presque absolue de l'infini. Puis la curiosité de l'infini qu'on a fait partie, justement, d'une partie de nous autres qui est infinie. Mais la partie de nous autres qui est infinie n'est pas raccrochée encore à la partie de nous autres qui est matérielle et finie. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas accès à l'éthérique. Quand l'homme va voir dans l'invisible, qu'il va voir avec ses yeux dans l'invisible et qu'il va avoir accès avec son esprit aux matériaux, parce que sur la Terre, présentement, il y a des laboratoires extraordinaires. J'en ai fait d'ailleurs des dessins, pas moi qui les ai fait des dessins, mais quelqu'un, je connais, qui a fait les dessins de ces laboratoires-là. Ce sont des laboratoires absolument extraordinaires. Alors, pour les gens de se fatiguer à essayer de comprendre où ce que c'est la Gartha, où ce que c'est Shambhala, où ce que sont les corridors dont se servaient les Atlantes, tout ça, c'est une perte énorme d'énergie. Ça crée en vous une fantasmagorie infinie, puis votre esprit peut être poigné là-dedans pendant des années de temps, vous en sortirez en avant. Parce qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Même les rêves les plus conscients, sont des fantasmagories de toutes sortes. La seule chose, c'est que les rêves vont vous donner de l'information souvent qui est purement symbolique pour vous faire comprendre quelque chose. Mais un homme conscientisé, un homme qui est dans le supramental, ne rêve pas. Il n'a pas besoin de rêver. Alors, s'il change de dimension, s'il change de plan pour connaître les mystères de la planète ou quoi que ce soit, il le fait en esprit. Il ne se sert pas de son corps astral, il le fait dans un instantané, il a accès à toutes les dimensions de la planète, et à ce moment-là, quand il revient dans son corps matériel, il est totalement silencieux. Parce que ces choses-là ne sont pas faites pour les oreilles de l'homme, mais sont faites pour la conscience de l'homme, du surhomme, de l'homme qui est totalement supramentalisé. On a des habitudes mentales, des habitudes psychologiques qui sont totalement fondées sur le fait qu'on pense et sur le fait qu'on a une curiosité insatiable, surtout quand on est occultifié, à comprendre les mystères de la création. Ça, ça fait partie des désirs de l'ego de contrôler l'occulte. Puis l'ego ne peut pas contrôler l'occulte. C'est-à-dire que l'ego ne peut pas contrôler, ne peut pas entrer en relation avec les forces ou les dimensions expérientielles de l'éther et soumettre ces expériences-là à la vision astral. Il peut simplement soumettre ces expériences-là à la vision du corps mental supérieur. C'est aussi ridicule de chercher l'occulte ou de comprendre si au pôle nord puis au pôle sud, il y a des trous, puis si quand tu rentres dans les trous, il y a des civilisations là-dedans. C'est évident qu'il y a des civilisations au centre de la Terre. C'est évident qu'il y a des dimensions qui sont totalement non formées au centre de la Terre. Mais c'est pas sur le plan matériel que vous allez découvrir ça. Puis la recherche de ces choses-là qui provient de certaines expériences astrales de certains hommes va vous essouffler tant que vous n'aurez pas compris qu'il y a une perte d'énergie énorme là-dedans. Puis que c'est pas par la curiosité mentale ou l'expérience psychologique que vous allez découvrir les secrets de la planète Terre. Les secrets de la planète Terre sont aussi vastes que les secrets du cosmos. Puis l'homme n'est pas prêt de les connaître tant que l'homme n'aura pas un contact direct avec le cosmos. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez les volcans. Pour nous autres, sur le plan matériel, les volcans sont des trous dans le sol qui nous permettent à un certain moment qu'il y a une certaine relâche des tensions internes. Mais un volcan, c'est beaucoup plus que ça. Un volcan, c'est une habitation, c'est une maison, c'est un centre d'énergie qui permet à des forces intelligentes, des forces élémentales, d'exécuter sur le plan matériel des activités qui sont nécessaires pour maintenir en santé la planète. Un volcan, ça fonctionne comme un rein. Un volcan, c'est un filtre. Puis après un certain temps, après un certain cycle, un volcan, il faut que ça saute. Pour permettre que certaines effluves éthériques sortent de l'intérieur de la Terre, afin de créer à la surface de la Terre des conditions propres à l'évolution d'autres forces, d'autres énergies qui vont créer d'autres choses au fur et à mesure que les temps avancent. Les volcans ont une fonction très précise en relation avec les forces invisibles. Mais l'homme ne le voit pas de même. Alors, pour l'homme d'essayer de comprendre comment ça fonctionne les volcans, ou s'il y a des civilisations à l'intérieur des volcans, c'est une perte de temps énorme. Il y a de l'intelligence des volcans, il y a des forces, vous pouvez les voir sur les autres plans, ces forces-là. Mais ce sont des activités qui n'ont pas de correspondance avec le point d'intérêt que peut avoir la science matérialiste d'aujourd'hui. L'homme un jour pourra arrêter les volcans parce que l'homme à ce moment-là pourra aller sur les plans où travaillent ces intelligences-là et contrôler leurs activités parce que lui sera en suprématie d'intelligence sur ces intelligences-là. C'est là que l'homme pourra contrôler la nature. L'homme pourra faire la même chose avec les tempêtes, pourra faire la même chose avec les rats de marée, pourra faire la même chose avec toutes les forces élémentaires que l'on trouve sur la planète et qui sont sujettes à être contrôlées par la volonté de l'homme quand l'homme est dans la lumière et quand l'homme est capable de contrôler ces forces extrêmement puissantes qui activent les éléments. Mais dans les recherches écules, dans la recherche voilée de certains initiés qui se projettent dans l'astral et qui racontent leurs expériences, il y a des milliers, des milliers, des millions de personnes qui se font prendre dans le sérieux de ces expériences-là et qui dépensent énormément d'énergie et qui retardent leur évolution vers le supramental. Parce que souvent, les gens qui vont dans l'astral et qui font des expériences dans l'astral travaillent avec des forces dont ils ne connaissent pas et ne comprennent pas les moyens et les raisons d'action. Quand on va sur les plans, on rencontre des intelligences sur les plans. Les intelligences souvent travaillent avec nous autres. Les intelligences souvent vont nous faire telle chose. Il y a des gens que je connais, moi, qui se retrouvent après travailler. Ils vont sur les plans, puis ils ont des jobs à faire, puis ils reviennent. Puis ils ont des jobs à faire, puis ils reviennent. Parce qu'on est un chum qui fait ça tout le temps. Ils travaillent plus sur les plans qu'ils travaillent sur le plan matériel. Pis vide. Toutes les forces travaillent sur les plans. Toutes les intelligences qui se manifestent sur les plans ont un but. C'est de contrôler l'activité psychique de l'homme. Puis je vais aller bien plus loin que ça. Toutes les entités qui sont sur les plans, à quelque niveau que ce soit, même si ça vous apparaît comme des grands maîtres, sont tous des égaux. Puis tous les égaux qui travaillent sur un plan, qui sont en relation avec un plan inférieur, ont une fonction et un but, c'est de contrôler à un certain niveau l'activité psychique de l'homme qui est en relation vibratoire sur le plan avec eux autres. Que vous alliez sur n'importe quel plan, ça c'est, je vous en donne une clé. Que vous alliez sur n'importe quel plan spirituel, quand même, ce sera de très hautes entités. La relation entre vous et eux autres sera toujours une relation de domination. Parce que ça fait partie des lois du contrôle vibratoire, des égos en évolution, de toujours rapprocher dans une ligne d'énergie un égo sur un plan supérieur avec un égo qui est en mouvement ou qui est en expérience sur ces plans supérieurs-là. Expérience, puis elle a confirmé l'expérience par lui-même, où il a été amené sur des plans, où il a eu des expériences sur les plans qui démontraient le pouvoir de ces maîtres-là sur ces plans-là pour y faire comprendre la dimension de leur pouvoir sur son égo spirituel. Puis il y avait toujours une petite crotte en dedans de lui qui disait « Oui, mais c'est pas assez ça. » Ou « Il n'y a rien là. » Puis lui, il est en mesure de confirmer ce que je vous dis, en mesure de commencer à confirmer ce que je vous dis, puis à de comprendre ce que je veux dire par l'expérience mentale qu'il y a avec ces plans-là. Je vous avertis aujourd'hui en 1980 qu'un jour, quand vous serez dans le supramental, vous serez totalement autonome. Puis que vous alliez dans n'importe quel plan, dans n'importe quel monde, vous serez toujours autonome. Fait que quelle que soit l'expérience que vous avez sur les plans, quand même vous me diriez, je suis allé sur les plans, j'ai rencontré, j'ai connu les aspects du submad. Si vous venez me voir et vous me dites, moi vous détruisez le submad. Puis si je vous détruis le soumettre, il ne vous restera plus grand-chose en dessous des fesses. Parce que mon travail est complètement universel. Mon travail n'a aucune limite. Mon savoir n'a aucune limite. Puis les formes qui font partie de vos expériences spirituelles, toutes ces formes, toutes vos formes, quel que soit le plan où vous êtes actif en évolution, pour moi, il n'existe pas. Parce que pour moi, je suis totalement en dehors de ces formes-là et j'en reprends toutes les lois. Mais je vous dis ça pour que plus tard, vous compreniez au fur et à mesure que vous avancez, que chaque fois que vous avancez vers le supramental, vous allez être obligé de détruire, de vous éliminer des couches de l'oignon pour en arriver un jour à être totalement autonome en esprit. C'est difficile pour vous autres de comprendre ça parce que vous n'êtes pas encore dans la vibration supramentale assez forte. Parce que vous n'avez pas assez souffert des formes. Puis vous ne souffrirez jamais des formes comme moi j'ai souffert. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer, vous allez en arriver à pouvoir dominer la vibration des formes et à pouvoir sentir que une forme contient toujours un mensonge quelconque. Puis quand vous allez réaliser et sentir qu'une forme contient un mensonge quelconque, vous allez commencer à comprendre, puis à vous libérer des formes, puis à comprendre ce que vous êtes. Puis quand vous allez commencer à comprendre ce que vous allez savoir ce que vous êtes, pas dans le sens que vous le voyez ou que vous voulez le savoir aujourd'hui, mais dans le sens que vous allez pouvoir le parler quand vous allez l'expliquer à des gens qui doivent le savoir. Parce que rendu à ce point-là, ça sera plus intéressant ou important pour vous de savoir ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes fera déjà partie de ce que vous êtes capable d'exprimer créativement, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans. Ça semble simpliste, pas important ce que je vous dis, mais rappelez-vous que tout ce que je vous dis est extrêmement important et sous-tend des dimensions de votre expérience qui sont directement liées à votre énergie et non liées à votre expérience psychologique. Vous allez réaliser avec le temps que tout est énergie, que l'homme est énergie et que c'est seulement lorsque l'homme se réalise en tant qu'énergie qu'il peut manipuler l'énergie et se soustraire de la puissance de la matière solidifiée sur ses sens ou sur son corps matériel. Je vous avise, autrement dit, pour plus tard, pour vous permettre, en attendant, de commencer à construire un corps mental qui est indéfatigable et qui est inépuisable. Parce qu'un jour, vous aurez besoin d'un corps mental indéfatigable et inépuisable pour comprendre l'infinité de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez comprendre. Quand je vous parle des illusions de la recherche des mystères occultes de la planète par le biais de l'astral, ou des expériences qui ont été vécues par d'autres personnes et écrites dans des livres qui constituent pour nous autres un document souvent physique parce qu'on n'a pas les yeux pour voir, on n'a pas le discernement, faites attention parce que vous perdez l'énergie. Vous devez en arriver à pouvoir questionner n'importe quoi. C'est vibratoire, ça, pouvoir questionner n'importe quoi. Il n'y en a pas beaucoup de personnes, pour le moment, que je connais, qui peuvent questionner n'importe quoi. Ils peuvent commencer à questionner n'importe quoi. La seule raison pour laquelle il est capable de questionner n'importe quoi, c'est parce que j'ai montré un jour que c'était nécessaire de questionner n'importe quoi. Puis si je n'avais pas montré que c'était nécessaire de pouvoir questionner n'importe quoi, il n'aurait pas pu questionner n'importe quoi, parce que pour faire quelque chose, il faut savoir. Puis ça va loin quand je vous dis ça. Pour faire quelque chose, il faut savoir, ça veut dire 5 choses. Ça veut dire que pour faire quelque chose, faut pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, faut savoir que ça existe. Pour savoir que ça existe, faut pouvoir le savoir que ça existe. Puis pour pouvoir le savoir que ça existe, faut le savoir. Puis pour le savoir, faut que tu sois dans la vibration. Ça, c'est être sûr d'être sûr. C'est la chose. C'est l'état d'esprit. Si vous me demanderiez, là, qu'est-ce que c'est que tu nous souhaites le plus dans la vie, c'est d'être sûr. Vous parlez d'amour, vous savez, la petite madame. Vous parlez d'amour. Et c'est ça, l'amour. Quand je vous dis, moi, que la chose la plus importante dans la vie de l'homme, c'est d'être sûr. Ça naît de l'amour. C'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Parce que je sais, moi, qu'est-ce que ça implique d'être sûr. Puis quand t'es sûr d'être sûr, tu n'as plus de main. Puis quand t'as plus de main, tu n'as plus, sur aucun plan, à baiser le cul de personne. Puis quand t'as plus à baiser le cul de personne, les mains qui sont dans l'univers et qui travaillent, à ce moment-là, deviennent tes serviteurs. Faites-vous bien ce que je vous dis là. Puis check ça avec lui, regarde bien ce qu'il va te dire. C'est au bout, cette affaire-là. Ils sont fiers, ensuite, de vous servir. Oui. Écoutez bien ça, ce que je dis là. Change complètement exactement, au lieu d'avoir un air supérieur, ils sont heureux avec le sourire et tout ça. C'est ça. Fait que quand les maîtres de la Terre seront heureux de servir l'homme, c'est parce que l'homme sera un surhomme. Il ne fera plus partie de la race humaine. Pensez. Quand je dis qu'un jour viendra où il n'y aura plus de maître sur la terre, le jour n'est pas loin. Les maîtres continueront leurs activités parce qu'il y aura des hommes sur la terre qui seront encore en servitude. Si vous comprenez l'implication de ce que je vous dis, vous comprenez beaucoup de choses. Parce que vous allez comprendre un jour que l'acquisition du pouvoir supramental dans l'homme, c'est la descente de l'esprit dans la matière. Puis quand l'esprit descend dans la matière, tu n'as plus besoin de personne pour faire interférence avec la descente de l'esprit dans la matière. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'ego dans l'homme. L'homme est un canal. L'esprit descend à la matière, et c'est l'esprit qui gère l'évolution. Ce ne sont plus les maîtres qui dictent à l'homme comment évoluer spirituellement. Il n'y a plus besoin de ça. Je peux vous parler pendant 100 ans, j'aurai toujours quelque chose à vous dire. Parce que c'est infini l'esprit. C'est infini la conscience. Puis quand la conscience est infinie et qu'on la vit, l'infinité de la conscience, le temps n'existe plus, puis les catégories du savoir n'existent plus. Fait qu'à ce moment-là, ton regard peut toucher à n'importe quoi, détruire n'importe quelle forme au fur et à mesure qu'elle vienne pour embrouiller le regard de l'homme supramental. Parce que l'homme supramental ne peut pas avoir devant son esprit un écran qui brouille sa vision infinie des choses. Mais je vous dis ces choses-là aujourd'hui pour ajuster votre esprit à votre sensibilité intérieure, pour que votre sensibilité intérieure puisse se renforcer, pour qu'un jour elle puisse détruire par elle-même les formes qui l'emprisonnent. C'est à ce moment-là que vous allez connaître le supramental et faire l'expérience de ce que vous savez et de ce que vous êtes. La seule raison que je vous parle pas en relation avec certains dénominatifs, la seule raison que j'emploie pas certaines formes pour vous parler, c'est parce que vous êtes pas assez objectif pour que je vous parle dans le langage que je peux me permettre de parler. Mais avec certaines personnes, je me permettrai de parler d'une certaine façon pour que ces gens-là, quand je vais finir mon travail, puissent continuer mes activités. Parce que ce sont ces gens-là qui pourront ensuite vous servir de point de référence jusqu'au moment où vous serez assez fort dans votre propre esprit pour aller de vos propres ailes. Mais si je vous parlais dans le langage que je peux exécuter sur le plan matériel en relation avec ma conscience et en relation avec la dimension absolue de ma conscience, je vous créerais des chocs. Puis c'est pour ça que je ne vous parle pas de même. Parce que votre esprit est encore trop faible, votre ego est encore trop réticent à pouvoir vous imaginer ou à s'imaginer qu'il y a sur la planète Terre des hommes qui sont dans le savoir total et qui sont incapables d'erreur. Mais j'ai pas l'intention de faire passer une initiation aux gens, parce que faire passer une initiation aux gens, ça demande trop d'énergie. Je n'ai plus cette énergie-là. C'est pour ça que les cassettes que je fais, ça va vous servir. Je veux pas que ces cassettes-là sortent à l'extérieur, puis je veux pas que ça soit imprimé à l'extérieur. Si vous voulez les écouter, arrangez-vous pour vous rencontrer ensemble, puis écoutez-les. Parlez-en. Mais je veux pas que ça soit imprimé, parce que j'ai mis ma confiance dans les gens, dans le groupe, puis ma confiance a été brisée. J'ai demandé à des gens que des gens ne prennent pas mes cassettes et ne les distribuent pas mes cassettes à l'extérieur. Ma confiance a été brisée. Puis je le savais. J'ai demandé à des gens, j'ai pris à peine de pas prendre de droit d'auteur sur mes cassettes. Il y a des gens qui ont brisé ma confiance. Puis quand vous brisez ma confiance, vous brisez un lien d'énergie avec moi, c'est irréparable. Puis quand je dis c'est irréparable, je dis c'est irréparable. Ça ne veut pas dire que ça ne m'empêche pas d'avoir des relations avec vous autres, puis de continuer à vous parler, mais je dis que c'est irréparable. Un jour, vous allez comprendre combien c'est absolu la conscience supramentale. Tu ne peux pas jouer avec eux autres. Puis vous pensez que si vous êtes capable de briser la confiance d'un initié en relation avec des niaiseries comme des cassettes, que les initiés vont venir, ils vont vous donner de la connaissance occulte concernant les sciences occultes de la matière. Jamais! Quand vous aurez des sciences dans la matière, vous serez déjà en dehors de votre ego et ce sera impossible pour vous autres de revenir à la passion et à la subjectivité de l'ego. Votre niveau de conscience est tellement dilué, est tellement affecté par vos émotions que vous faites des choses, même pas par mauvaise intention. Vous les faites parce que vos émotions vous amènent à les faire. Mais quand vous allez être rendu éventuellement à travailler avec des forces invisibles, vous ne pourrez plus avoir d'émotions parce que ces forces-là vont vous détruire. Ces forces-là vont vous rendre fou. C'est pour ça que la préparation est lente, puis le temps que vous trouvez difficile, est nécessaire. que vivra l'humanité, c'est la dernière des initiations. Dans ce cycle-ci. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule et la dernière initiation. Cette initiation va être vécue au niveau de vos vibrations intérieures. Elles ne seront pas vécues au niveau de l'âme. Il n'y a pas un âme qui va vous initier. Un homme peut vous instruire, mais c'est eux autres qui vont vous amener à un taux de vibration qui correspond à votre évolution spirituelle ou à l'évolution de la conscience. C'est pas un homme, c'est eux autres. Moi, je vous donne simplement des points de référence. Je vous mets des lignes sur les murs, puis je dis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour que vous puissiez développer de plus en plus du discernement, pour que vous puissiez souffrir moins. Mais c'est eux autres qui vont vous amener à ça. Ceux qui l'ont en vibration vont passer, puis ceux qui l'ont pas, passeront pas. On peut pas jouer avec les forces de la lumière. Les forces de la lumière sont encore plus terribles que les forces des ténèbres. Parce que les forces des ténèbres se servent du mensonge pour nous embarquer. Ils nous donnent des pouvoirs pour nous embarquer. Les forces de la lumière nous enlèvent tout. Puis quand ils nous ont tout enlevé, ils nous redonnent tout. Mais avant de nous redonner tout, ils nous enlèvent tout. Puis quand je dis tout, je dis tout. Je dis tout. Je dirai pas ce que je dis quand je dis tout. Parce que vous allez mal comprendre ce que je dis. Tous les attachements que vous pouvez avoir à une forme, quelqu'un, ils vont vous les briser. C'est pour ça que beaucoup sont appelés à passer de l'autre bord, mais peu pourront passer de l'autre bord. Toute la dimension intérieure de votre vie doit être équilibrée avec la dimension extérieure de votre vie. Mais ils vont ajuster la dimension intérieure d'abord, puis ensuite ils vont rééquilibrer avec la dimension extérieure. Mais vous pouvez tous bénéficier de cette instruction-là, que vous alliez jusqu'à un plan ou que vous alliez pas jusqu'à ce plan-là. Vous pouvez tout en bénéficier. Mais quand je vous dis que les forces de la lumière sont encore plus terribles que les forces des ténèbres, c'est ça. C'est des chiens. C'est des chiens parce que notre niveau d'inconscience est très bas. On est extrêmement primitif sur la planète Terre. Considérez que vous compreniez que votre évolution supramentale, c'est pas une évolution spirituelle. C'est une évolution totalement mentale. On passe du cycle de l'évolution psychique de l'homme à l'évolution mentale de l'homme. Puis les gens qui vont être... Chacun de nous autres a une certaine capacité. Il y en a qui ont plus de capacité que d'autres. Il y en a qui ont une résonance. Il y en a, moi, que je peux vous dire aujourd'hui qu'ils ne mourront pas. Ceux qui mourront pas dans la salle, je les connais tous. C'est impossible à ces gens-là de mourir. Ils peuvent pas mourir. Mais pour qu'on en arrive à pouvoir réaliser ça, puis à vivre cette réalité-là, on est obligé de passer d'un plan à un autre. Du plan émotionnel au plan mental, pour que le plan émotionnel soit totalement vidé. Les émotions négatives, la subjectivité de nos émotions est la cause même de l'évolution de la planète Terre. C'est la cause même du mal planétaire. C'est la cause même de toute la souffrance qui existe sur notre planète. Ah, ils sont obligés de transmuter cette énergie-là. plus vous allez comprendre que dans le supramental, il n'y a pas de spiritualité, puis il n'y a pas de forme spirituelle, puis il n'y a pas de bon, puis il n'y a pas de mauvais. Plus vous allez comprendre que dans le supramental, il n'y a pas de pensée. Plus vous allez comprendre que dans le supramental, il n'y a pas d'ego. Plus vous allez comprendre que dans le supramental, il n'y a rien. Plus vous allez comprendre que dans le supramental, il y a tout. C'est la perfection, le supramental. C'est la perfection. Alors, tu travailles avec la perfection, tes actions sont parfaites, et toutes tes activités correspondent au plan d'évolution de la planète. De sorte que quand ta mémoire t'est donnée et que tu as accès à toutes les filières concernant les sciences de la planète Terre, tu crées une civilisation nouvelle avec des pouvoirs nouveaux et dans des conditions qui sont totalement nouvelles. Des conditions ouvertes. Des conditions totalement vivables et des conditions qui nous permettent aux hommes de créer des formes nouvelles pour l'exploitation du bien-être de la civilisation pendant des générations à venir. Le temps, c'est la pierre fondamentale qui empêche vos esprits de vibrer au supramental. C'est à cause du temps. Il n'y a pas de temps dans le supramental. Et autant vous attachez des valeurs de connaissance. Puis les valeurs de connaissance vous font chercher d'autres valeurs de connaissance. Puis vous vous butez ça, puis vous vous butez ça jusqu'à temps que vous fassiez un mouvement en recul. Faut que vous en arriviez à prendre du bois et du coke. Arrêtez de vivre avec les idées des autres. Exactement. On peut pas vivre avec les idées des autres. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de vivre avec les idées des autres. Quand on a en soi de la connaissance qui est universelle, ça diminue l'homme. Ça le socialise, là. Ça le collectivise, là. Ça tue son individualité. C'est pour ça que je respecte des gars comme lui, qui ont des têtes de cochon, mais qui sont en évolution rapide, parce que ils ont déjà un centre de gravité qui est en formation. Plutôt que des gens qui apprennent à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis qui retardent leur évolution, ou qui ralentissent leur évolution, parce qu'ils sont obligés émotivement de rencontrer des dimensions de leur psychologie qui donnent à leur esprit une soif de la connaissance. Ce que les gens considèrent bon, ce que les gens considèrent positif, ce que les gens considèrent émotif, valable, pour moi c'est pas valable, ça retarde. C'est tout de l'émotivité. Ben disons que c'est facile un peu à comprendre, parce que si tu remarques l'évolution, un peu, qu'est-ce qui est à valeur de 100 ans, on dit? Ça n'est plus. C'est le néant. C'est ça. Exactement. Ce qui est impossible de 100 ans, aujourd'hui, c'est rendu possible. Ah. Qu'est-ce que c'est qui est valable aujourd'hui, c'est pas valable dans 100 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui n'est pas impossible, c'est possible. C'est ça. Moi, je me sens des fois comme un gars qui enseigne la première année depuis des années de temps. Il est toujours enseigné à la première année, puis il est obligé de rester là à la première année. Parce qu'il sait que le gars peut pas passer à la deuxième année sans avoir passé à la première année. Puis la première année, c'est facile pour le prof, mais c'est pas facile pour l'étudiant. Puis il faut qu'il passe par la première année. J'écoute même pas mes cassettes quand je les enregistre. Je me réécoute jamais sur une cassette, parce que je suis en train d'être. Je serai obligé de la réajuster, puis de la réajuster. Fait qu'ils vont dire, écoute-les pas les cassettes, tu vas avoir des tensions. Parce que c'est infini. Fait que là, m'écouter une cassette, là, m'a pouvoir partir en ballon en haut par là. M'a l'écouter, m'a partir en ballon par là. C'est infini, c'est multidimensionnel. Je peux parler d'un tout pic pendant 15 ans. M'a toujours avoir des choses à vous dire. Un gars qui m'arrive, là, quand tu me dis, ah, les cassettes, c'est toujours la même chose, 3 semaines après, à capoter. Ça marche, les cassettes. Je vous donne le plus de temps possible dans les quelques années que j'ai pour vous donner le plus d'énergie possible, pour détruire le plus de formes possible, pour vous faciliter le chemin le plus possible. Parce qu'après ça, vous aurez pu, vous m'aurez pu comme point de référence. Vous allez avoir les cassettes. Vous allez avoir votre propre intuition. Vous allez avoir des gens qui comprennent plus que d'autres, mais vous m'aurez plus comme point de référence. Vous allez trouver ça difficile quand je ne suis plus là. Parce que quand je ne suis plus là, vous allez avoir encore de l'émotion. Vous allez avoir encore de l'attachement. Il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Il y en a qui en souffriront pas pendant d'autres. Vous ne pouvez pas réaliser qu'est-ce que c'est savoir. C'est extraordinaire, savoir. Parce que ça n'a pas de limite. C'est le fun, c'est pas fatigant. C'est ça. Des questions? Oui. Est-ce que tu me expliques la relation qui existe entre l'orgueil et la gravité? Je vais t'expliquer l'orgueil tout seul sans gravité, ok? L'orgueil, ça fait partie de l'ego. C'est une vibration dans l'ego. C'est une souffrance pour l'ego conscientisé. Tu peux pas l'enlever, cette épine-là. Elle s'enlève tout seul avec le temps quand ton esprit devient vide. Puis quand ton esprit devient vide, tu peux pas avoir d'orgueil parce qu'il n'y a plus de réflexion dans ton ego. Tu peux plus penser. Puis tu peux plus avoir d'émotions subjectives. Fait que tu peux plus faire l'expérience du phénomène de l'orgueil, autrement dit de la vibration de l'orgueil. À ce moment-là, t'es bien. Mais tu peux pas être bien tant que c'est pas le temps. Parce que être en dehors de l'orgueil, c'est un état. Quand t'es en dehors de l'orgueil, t'es plus dans ton ego. Tu sens plus ton ego. Tu sens plus ta personnalité. T'es rien que dans le mental. T'es ni ici, t'es ni là. Tu réfléchis pas sur tes actions ou sur la dimension de ton savoir ou sur la dimension de ce que tu dis. Y a rien. C'est neutre. T'es bien. Quand t'as plus d'orgueil, t'es heureux dans l'esprit. Mais c'est avec le temps qu'il vous amène à cet état-là, puis ça vient au fur et à mesure qu'il détruise en vous les vibrations subjectives de vos émotions puis de votre mental. Ça va prendre 3 ans avant que tu commences à comprendre ça. Dans 3 ans, tu vas commencer à comprendre puis à vibrer au niveau du non-orgueil. En attendant, souffler. Là, tu dis que plus qu'un gars réalise que c'est pas lui qui pense, ça fait échec à l'orgueil? Oui. Plus tu réalises que c'est pas toi qui pense, ça fait échec à l'orgueil, mais c'est subtil. Parce que s'il donne le pouvoir de la connaissance ou s'il donne le pouvoir de quelque chose, si un jour il te prend par surprise puis il change tes vibrations, puis tout d'un coup tu t'en aperçois pas, là, tu vois une pile de livres sur la table, tu dis, hey, place-toi là, puis le livre s'en va là, là tu vibres en dedans. Oui, les premiers pas normalement, hein? Bon, tu vibres. Fait que là, il te coupe, là. Là, tu restes cette vibration-là, tu vois que tu n'as encore d'orgueil. Oui. Ça, mais jusqu'à un certain niveau, c'est un point d'appui qu'on peut se fier. On lui dit qu'on peut travailler sur un certain point d'appui. Et quand on a atteint ce point d'appui-là, par des circonstances, on nous fait réaliser qu'on en trouve, ils vont nous donner peut-être un autre point d'appui. Ça, il te manque. C'est ça. Bon, éventuellement, ils vont te tester, là. Ils vont te donner, je ne sais pas, ou ils peuvent te donner de la voyance. ils peuvent te donner de la voyance. Parce que la voyance, c'est à peu près le moins traumatique, si tu veux, où ils n'ont pas à enfreindre des lois trop. Puis là, tu vas voir que si t'as de la voyance, puis tu vibres pas. Mais voyez-vous, un gars averti comme vous dites, là, si je vois de la voyance, moi, si je planche, là, on va dire, hey, il n'en veut plus, ben non, je fais tout de suite une contre-réaction qui va être positive envers l'orgueil. Si je réalise, là, que ce qu'il me donne, c'est un absent pour ma poignée. C'est pas pour te poigner, c'est pour te faire réaliser jusqu'à quel point tu vibres encore. Pour faire me sensibiliser, me faire réaliser. Ouais. Mais ouais, mais faut pas retomber dans ça. Il te le donne sournoisement. Tu t'en attends pas, puis oups, tu viens de dire quelque chose, puis oups, ça se passe. Fait que là, tu vibres, ça te donne des petites... Ouais, ça te donne un thrill. C'est subtil. C'est comme si on dit quelque chose, puis après l'avoir dit, on réalise qu'on ne savait pas, mais on l'a appris. On l'a dit. On l'a dit, on réalise qu'on ne savait pas, alors on l'a dit, mais on l'a appris en même temps. Quand tu dis, tu le dis. Quand tu n'apprends rien quand tu dis quelque chose, tu réalises que ce que tu dis, ça devient l'apprentissage. Tu n'apprends rien, tu n'as plus de mémoire. Ah, tu sais, quand vous dites quelque chose, là, après ça, vous pensez que c'est que j'ai dit. Moi, j'ai dit ça. Là, vous réalisez que vous avez appris quelque chose. Ah, OK. Parce que tu as une mémoire. Là, t'as un petit trill. Si t'as pas de mémoire, t'as pas de trill. Tu sais pas si tu l'as regardé. Ah oui, évidemment, ouais. Vous avez de la mémoire dans l'autre. Ouais. Quand vous avez de la mémoire, vous avez un petit trill. Ah ben oui, mais vous dites, c'est les premiers pas d'un enfant. Ah oui, mais je vous explique. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est le coup, quoi. Il dit qu'un homme ne peut pas voir la lumière. Puis être suivi dans l'ego. C'est anti-vibratoire. Il y a la chienne. Tu peux pas être suivi dans l'ego. Nous autres, quand ils nous contactent, pourquoi est-ce qu'ils se montent les binettes? Parce qu'on est fusionnés. Fait que, ils te barrent l'émotion, puis ils te barrent le mental, puis ils te barrent le physique, ils te barrent tout partout. Fait que tu grouilles pas. Tu regardes, puis t'es gelé. Ouais, je vais partout. Mais pour les voir dans un état naturel, il faut qu'on soit ajusté. Puis tout tourne autour de ça. Toute notre activité humaine tourne autour de ça. Notre expérience humaine est guérie à ça. Tout ce que vous faites, quand même vous seriez plombier ou je sais pas moi, toute votre expérience sert à vous amener un jour à être totalement mental. Pour pouvoir les voir puis rentrer. Eux autres, ils appellent ça l'autre vie. C'est l'autre vie. C'est une autre vie. Puis effectivement, c'est une autre vie. C'est une autre planète. C'est une autre vie. Et il dit, c'est une autre vie. C'est pas qu'un autre plan, c'est un autre vie, parce que tu peux venir sur le plan matériel. C'est un autre vie. Ce que les gens appellent le paradis terrestre, c'est ça. C'est un autre vie. C'est... Ben oui, mais t'as pas de trouble, t'as rien. Y a pas de trouble, c'est la perfection. Là, tu crées. Si tu veux matérialiser ce que tu crées, tu le matérialises, fait que ça sert aux hommes sur le plan matériel. Tu crées. Quand tu parles des règles, t'as l'heure. Moi, je sais que je vais pas. Tu rêves, c'est parce que tu t'en rappelles pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre temps de mes rêves. Parce que vraiment. Toi, tu vas commencer à rêver. Ça prend une couple d'années. Là. Une couple d'années, tu vas commencer à rêver. Être conscient de tes rêves. Ouais, tu vas être conscient de tes rêves. Je suis content que vous me demandiez cette question-là. Vous êtes dominé tant que vous n'êtes pas fusionné. Ça n'est pas votre question. Tant que vous n'êtes pas fusionné, vous êtes dominé. Et les étudiants, ils ont Vous êtes dominé. Ils peuvent vous, aider, ils peuvent vous dominer pour le bien, mais ils vous dominent. Quand vous êtes fusionné, quand vous êtes fusionné à l'ajusteur de la pensée, il n'y a plus de domination. Vous ne pouvez plus être dominé parce que vous êtes dans le savoir. Autrement dit, lui, c'est ton chum. Regarde, chum, c'est tout. C'est ton chum. C'est l'intelligence en toi. Il y a un chemin pour aller à la fusion. N'importe quelle fusion. Vous êtes fusionné. Plus vous vous conscientisez, plus vous fusionnez. Puis un jour, vous serez tous fusionnés. Quand vous passez le bord, vous serez tous fusionnés. La fusion, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et l'âme. La fusion, elle se fait avec l'âme. Plus vous grandissez en conscience, plus la fusion est grande. Si un jour vous devez passer à l'éthérique, bien, la fusion va être totale. Seulement, elle ne sera pas traumatique, dans le sens que ce ne sera pas un choc tout d'un coup. Un jour, vous faites fusionner. Fusionner, c'est passer à l'éthérique. Quand vous allez passer à l'éthérique, vous allez fusionner. Les gens disent, pourquoi tu ne parles pas des autoristes, d'occultistes, d'occultistes? Des fois, je parle des théosophistes. Là, puis... Sacrement! Ça n'arrête plus! Ils ont plus de plans, eux autres, choses, qu'il y en a dans le département chez Phil. Donc, des boîtes de conscience, des dimensions. Il y en a un qui m'a demandé quel degré j'étais. C'est vrai, c'est vrai. Quel degré je suis? Regardez-moi la réponse qu'il me donne, je suis le menteur. Quel degré je suis, moi? Il dit, fais-donc pas ton sang des airs. Mais il faut avoir contact avec eux autres. Tu peux pas être en contact avec le monde des esprits, ils vont t'en donner des degrés. Ils vont des 13e, 12e, 7e. Pour te booster, pour te faire spiritualiser. Tu es en contact avec eux autres, ils vont te le dire comment c'est une 9 degrés. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'en ai mal à la tête. C'est vrai que j'ai mal à la tête. Comment dire que c'est mal à la tête? Parce que. c'est comique. Il dit que le fait qu'on a un intellect, même quand on voit ses plans, il dit qu'on intellectualise notre expérience. Même parce qu'on a un intellect, on intellectualise notre expérience. Si on ne faisait pas ça, on ne pourrait même pas la comprendre, notre expérience. C'est à travers le mécanisme de l'intellect quand tu deviens l'habitude qu'on a de diviser est extrême avec nous autres. Elle fait partie des structures d'intelligence. C'est indemnique à notre intelligence. C'est incroyable. Ça, là, c'est tellement puissant que c'est ça qui nous empêche de voyager dans l'esprit. Si on n'avait pas ça, on voyagerait dans l'esprit. Mais on ne voyage pas dans l'esprit. On pense. On se sert des pensées pour saisir la réalité. Quand tu te sers des pensées pour saisir la réalité, même des pensées en tant que pensées rationnelles, mais les formes de notre imagination pour saisir ces réalités-là, on en va. Essaye de t'imaginer aller d'un plan et voir des choses que tu t'es jamais imaginées, tu ne seras pas capable. Tu vas toujours pouvoir t'imaginer ce que tu vois. Si tu rêves, tu vas toujours rêver à quelque chose que tu connais. Même si ça fait longtemps. Mais essaye de t'imaginer quelque chose que tu ne peux pas t'imaginer, t'es pas capable. Ben non, parce que je n'ai pas compris avec nos idées. Bon, ben c'est justement là. T'es pas capable de t'imaginer quelque chose que t'es pas capable d'imaginer parce que t'es pas capable. T'es pas capable de penser quelque chose que t'es pas capable de penser parce que t'es pas capable. C'est quand on pourra penser, c'est-à-dire voir à quelque chose qu'on ne peut pas penser, qu'on sera le savoir avec la science. C'est quand on pourra imaginer des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on aura la pensée créative pour formuler des plans d'action pour l'évolution. Mais chaque fois qu'on pense ou qu'on imagine quelque chose, c'est toujours quelque chose qui existe déjà. Puis ce qui existe déjà, c'est lié à quoi? C'est lié à la forme expérientielle de nos sens ou de la matérielle. Puis on veut comprendre l'infinité, c'est impossible. Fait que c'est qu'on fait? On couleure des plans. Les gens qui vont en astral, c'est ça. Ils couleurent des plans suivant l'intellect qu'ils ont de la science astrale. Ça, c'est intéressant. La science astrale, c'est l'organisation psychologique des formes d'un plan. Alors, si tu vas d'un plan, souvent, tu as énormément d'expérience au niveau de la forme astrale et tu peux symboliquement rattacher toute cette expérience-là à une intelligence quand tu reviens, parce que tu en as la mémoire de ça. Puis c'est là que tu structures. Mais si tu allais sur ces plans-là, puis tu ne pourras pas ramener le matériel, ça sera parce que tu l'auras perdu dans l'impression dans le corps éthique, parce que tu n'auras plus de mémoire. Puis c'est ce qui arrive. Ils te font aller souvent sur des plans, tu vas voir des choses, tu reviens sur le plan matériel, tu l'as oublié. Moi, j'ai eu une vibration dernièrement qui m'a fait sauter dans mon lit. Là, ils m'ont parti une énergie du plan de l'âme jusque dans mes bottines. J'ai sauté de même dans mon lit. Laisse-moi te dire que quand je m'ai levé dans mon lit, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que l'hydro m'avait connecté. Elle dit rien. Elle dit, t'as sauté de même. J'ai eu aucune mémoire de ce qui s'est passé tant que ça s'est passé vite. Aucune mémoire. C'est un gars courant qui me rentrait dans les fesses. Puis j'ai dit à eux autres, j'ai dit, prenez ça aisé, viable. Mais moi, dire une chose, j'aurais pas voulu voir ce qui s'est passé. Parce que j'en ai eu l'expérience, là, quelques années, de voir ce qui s'est passé. J'étais une maudite chienne. Même fusionné, mon cher, que j'étais une maudite chienne. Une maudite chienne. J'ai crié dans mon lit, je suis pas prête, je suis pas prête. Je n'étais pas prête. Les extraterrestres partent de la bois, ils passent à travers de l'espace-temps, puis ils s'en viennent, ils se matérialisent, puis ils confondent nos sciences. Je comprends. Ils l'ont l'affaire, eux autres. Fait que tu comprends quand ils s'en viennent ici, puis qu'ils rencontrent Raël. T'en bats.